Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre émission nationale catholique mensuelle. Nous sommes ici pour l'émission de mai 2025. Avant de commencer l'émission, on va parler, je fais des petits rappels, vous êtes habitués, donc je rappelle que nous sommes présents sur Gab, ainsi que sur Odyssée et Telegram, à l'adresse Oremus officielle. Mais je vais d'abord présenter l'invité qui m'accompagne ce soir, ce ne sera pas le seul, Monseigneur le roi Belloc. Belloc, comment ça va? Salut Bobby, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, Deo gratias. Ça fait plaisir d'être de retour, voilà, et je pense qu'on va bien s'amuser ce soir. Il y a une deuxième partie d'émission, effectivement, qui va être... on va sacrer Belloc. On va sacrer Belloc. Vous en saurez plus si vous êtes patient dans quelques minutes. Donc c'est un moment important. Belloc, il va devenir roi. J'espère que tu as hâte, Belloc. Ah, j'ai hâte. Hein. J'ai hâte de proclamer mes premiers édits, premières ordonnances et tout ça. Roi de la Terre ronde. Alors, les petites annonces que je veux faire, vous en connaissez peut-être quelques-unes, mais bon, je vais me livrer. Je rappelle que le site Ami Catholique sans concession continue à publier des articles et des numéros, donc je mettrai les liens du canal Telegram et du site. En termes d'actualité, il y a eu le lancement d'un nouveau mouvement qui s'appelle le Mouvement National Catholique, MNC, dont le président est Bruno Hérou, hein, qu'on connaît bien, qui est déjà passé dans l'émission. Je mettrai à nouveau le lien du canal Telegram ainsi que le lien du site. J'annonce aussi la sortie d'un livre contre le martionnisme, on va dire contre la dissidence sorelienne, pour défendre la catholicité, tout simplement. Par un ami, Pierre Joly, qui a donc écrit le livre « Catholicisme et dissidence ». Et donc, on mettra le lien du livre dans la description. Pour remercier les gens qui se sont quand même consacrés un peu sur YouTube pour nous faire connaître, on les remercie et surtout, on continue à faire ça. On a décidé, je ne donne pas de date, mais il y aura la sortie d'un long métrage Oremus sur le thème des diaconas. Je ne donne pas de date parce que c'est un très gros projet, donc on ne peut pas absolument pas s'avancer. Et ensuite, une autre annonce qui va encore faire plaisir, je laisse un peu de suspense, mais à chaque fois qu'on annonce ce genre de trucs, ça s'est concrétisé, donc j'annonce que le mois prochain, il y aura sûrement un invité de marque, dont je tairai le nom pour l'instant, qui n'est pas encore passé dans l'émission, quelqu'un de très connu dans notre milieu, donc écoutez, restez branchés, hein, restez branchés. Voilà pour ces nouvelles. Bon, j'imagine que vous connaissez le premier sujet qu'on va aborder ce soir, évidemment. Comment ne pas parler de la mort du pape François? Vous nous attendez sur ce sujet, c'est bien normal. Peut-être commencer par essayer de faire un peu un bilan de ce qui s'est passé. Je précise qu'on enregistre l'émission à quelques jours de sa mort, donc on a quand même eu le temps de laisser passer, on va dire, les sentiments, les émotions, etc., pour avoir un jugement objectif. Quel bilan, finalement, du pontificat de François? Je vais essayer dans cette émission, contrairement aux autres intervenants, de me faire l'avocat du diable, on va dire, et d'essayer de défendre son bilan. Alors, c'est une mission impossible, hein. Je pense que c'est une mission, je vais échouer, mais pour donner un peu le change, hein, pour que ce soit un peu vivant. Alors, bilan religieux du pape François, pour perso, hein, pour alimenter un peu l'émission, pour commencer, je dirais, il a réussi à faire pire que Jean-Paul II. je sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire pire. Ah mince, non, faut que je défende le bilan. Bon, il n'y a pas encore les diaconas. C'est pas encore fait. Voilà, ça c'est le truc positif. Non, et voilà, bilan absolument, on va dire, catastrophique. C'est bien le seul truc qui sont en suspens, hein, les diaconas, parce que je crois qu'il nous a fait tout le reste. Hein. Je sais même pas par quoi commencer. Est-ce qu'il y a un truc défendable dans ce bilan? Quels sont les grands événements, on va dire, qui t'ont marqué en bien ou en mal, on va dire, dans les pontificats de François Belloc? Bien, qu'est-ce qu'on peut dire du bilan du pape François? Tu veux dire au niveau positif? Ce que tu veux, un événement qui t'a marqué plus qu'un autre. Il s'est surtout distingué, en fait. Le seul point positif, en fait, je vais commencer par les points positifs parce que c'est le plus court. Il a eu des interventions, mais c'était plutôt d'ordre privé, qu'il a dit qu'en gros, les homosexuels étaient bons pour l'hôpital psychiatrique. Il me semble que c'est un truc de ce style-là. Et en privé, alors que bon, il est... Enfin, dans tout son magistère conciliaire, il les a défendus, il a soutenu... on en a beaucoup parlé dans l'émission, mais le père, le jésuite James Martin, donc grand chantre d'LGBT, de l'inclusion LGBT, tout ça... Donc il n'a jamais rien eu à dire sur lui. Hein. Mais pourtant, en privé, bon, il pensait tout autre chose. Donc c'est quand même très, très étrange. On retiendra surtout le drapeau arc-en-ciel hein, quand même de lui. Hein. On retiendra beaucoup de ça. Enfin, quoi d'autre bah, ça, c'est en suspens, comme on a dit. Mais l'entrée des femmes dans le diaconat, donc, ça, c'est le seul sujet qu'il n'a pas réussi à nous concrétiser. On va essayer de le caser dans la case événement positif, vu que ça ne s'est pas concrétisé. Il y a tellement peu d'éléments positifs qu'on va essayer d'en mettre 2-3 comme ça à l'arrache, vous savez, en poussant du pied, mais ça va être compliqué d'être positif sur son bilan. Ah oui, en effet, c'est compliqué, parce qu'il y a ça, il y a aussi... il s'est fait connaître par des... sur les sujets de l'écologie aussi, oui, et puis bien sûr les migrants, ces chers migrants, l'accueil des migrants... Here comes a new challenger. Je vous avais promis la venue de Rex. Rex vient de nous rejoindre. Rex, comment ça va? Ave Bobby et ave à tous. Bah, écoutez, très bien. Hein. Non abemus papam, par contre. Donc, sed abemus regem. C'est vrai que c'est une émission qui est factuellement cédévacantiste. C'est-à-dire que vous le soyez ou pas, nous n'avons pas de pape. Au moment où on enregistre l'émission, en tout cas, nous n'avons pas de pape. Que vous soyez hostile ou, on va dire, pro-cédévacantiste, c'est une émission officiellement aujourd'hui cédévacantiste, de fait. Belloc était en train d'essayer de souvenir des moments les plus marquants de François. Et donc, moi, j'essaie en train d'essayer de défendre le bilan impossible, la mission impossible du soir, pour donner un peu de change à l'émission. Et qu'est-ce qui t'aurait marqué, toi, le plus dans son pontificat? Bah oui, mais de toute façon, c'est un tableau pas très glorieux. Et je me retiens un petit peu de l'enterrer dans la seconde. Mais moi, je me souviens au tout début, je ne sais plus, c'est quoi, 2013 ou quelque chose comme ça. Au début, il y a toujours cette manière de faire illusion. Il avait tenu limite des discours travail, famille, patrie. Moi, j'avais suivi et tout ça. Je me disais, tiens, ça faisait un peu Benoît XVI++, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils commencent un peu tous comme ça. Et là, prochain conclave vaticané, voilà, peut-être que l'autre, qu'il soit semi-conservateur ou ultra-progressiste, donc un peu à la Ratzinger Benoît XVI ou Bergoglio François. En soi, au début, je pense qu'il n'ira pas des quatre vitesses, mais ça ira peut-être probablement. Quoi. C'est à suivre dans le temps. Perso, je rejoins Belloc sur le truc qui m'a le plus marqué et qui me saute vraiment aux yeux, c'est vraiment cette histoire du lobby LGBT. Quoi. Ça, c'est le truc qui... Même les gauchistes, d'ailleurs, l'ont noté. Hein. C'est trop le fameux, je ne sais pas si vous vous souvenez, de qui suis-je pour juger, là. Les lobbies toutes. Aucun lobby n'est bon, a déclaré le pape, en incluant le lobby gay. Si une personne est gay, j'y cherche le Seigneur avec bonne volonté. Qui suis-je pour la juger, a-t-il ajouté. Et au passage, c'est vrai que c'était en 2013 qu'il a été élu. 2013, c'est un peu début de l'année 2010, c'est un peu les débuts de l'agitation du mariage dit pour tous. Donc c'était dans une mouvance propice voilà, à ce niveau-là. Puis cette phrase passe-partout du « qui suis-je jugé ?» Non seulement il y a une grande confusion qui règne chez nous, les tradis en général, c'est sur le thème du jugement. On va dire faut pas juger même nous de notre côté. Alors qu'il y a deux types de jugement. Il y a en effet celui ecclésiastique. Donc là, s'il prétend être pape, oui. D'ailleurs, il a même jugé, il a excommunié ou prétendu tel Monseigneur Vigano, les sœurs Clarisse et d'autres qui sont moins du domaine tradit. D'ailleurs, il peut toujours y avoir des farfelus. Mais il y a le jugement ecclésiastique d'un côté, et en effet, si on n'est pas prêtre, évêque ou plus, oui, ça va être compliqué. Un laïc ne participe pas à ce type de jugement. En revanche, il y a le jugement tout court, qui est faire usage de sa raison. Et comme tout être est doté de la faculté de raisonner, à partir de là, c'est un jugement dans le sens un peu constat. On peut, en tant que fidèle, constater des choses. Là, à tel moment, il n'a pas professé la foi catholique, c'est plutôt le contraire. Voilà, ces choses-là, ce n'est pas le jugement du juge qui va condamner, c'est juste on analyse factuellement la chose. Et cette confusion, elle est savamment entretenue, c'est incroyable. On ne peut pas distinguer les deux. Dès qu'on parle de jugement, on va dire, mais c'est le jugement ecclésiastique, qui es-tu? Tu as été élu pape dans la soucoupe de Glosy, etc. Ben non, c'est la faculté de jugement. Le mot ambiguïté, c'est quand Belloc a dit cette histoire de discussion en privé et discussion en public. Ambiguïté, c'est le propre des modernistes. C'est typiquement ça. On ne sait jamais trop ce qu'ils pensent. C'est grave quand même, je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a forcément menti, quoi. Soit il a menti en privé, soit il a menti en public. Tu peux pas tenir de position comme ça, dans contradiction évidente. Donc ça, c'est les modernistes. On sait jamais trop, c'est chaud, c'est froid, on sait pas. Voilà. Ou alors ça change. C'est comme le fameux dogme évolutif. Et j'en mets la fameuse phrase qui avait fait polémique quand il était dans l'avion, qu'il avait dit, si une personne est gay et de bonne volonté, alors déjà, faut choisir. Tu peux être gay. Alors peut-être qu'il voulait dire, en gros, pour se défendre, il est gay, genre, il a des tentations. Mais il n'a pas été, il n'a pas succombé à la tentation. Bon, allez, admettons. Mais qui suis-je pour la juger? Le problème, ce n'est pas d'avoir cette tendance, non. Le problème, c'est de faire du lobbying pour cette tendance. Alors, effectivement, faire du lobbying pour le lobby LGBT, c'est problématique, mais ce n'est pas ça le problème. Si jamais tu tombes dans le péché, ça ne vaut pas le coup de crier sous tous les toits et d'en faire un étendard. Alors, quand tu fais de la marche des fiertés, hein, c'est ça la gay pride, la marche des fiertés, et en plus tu veux être catholique, non, ça, c'est inconciliable, ça ne peut pas fonctionner. J'essaye de toujours dans ma mission impossible de ce soir pour essayer de le défendre. Je termine juste cette citation parce que j'ai trouvé intéressante. Il avait aussi rajouté juste après hein, la même phrase. Le lobby des avares, le lobby des politiciens, le lobby des maçons, ça fait beaucoup de lobby. Il a quand même dit le lobby des maçons, ce qui m'avait étonné. Ouais, il donne le change quoi. Il y a genre un petit point, on fait passer un bon point au milieu de plusieurs autres qui sont pas bons et forcément ça. Ça met un petit peu de crème, mais voilà, bon, c'est assez illusoire, et celui qui voit clair, il se dit, en fait, c'est juste pas acceptable, quoi, c'est tout. Oui, et puis en fait, ce que je voulais relever également, c'est que ces anticliques, ces textes qu'il a produits... Vous auriez lu le papier, là, le code ici, le papier de merde, c'est un papier de merde, là. Notamment à Maurice Laetitia, en fait, c'est du verbiage moderniste. C'est de la merde. Déjà, les textes sont terriblement longs si on compare à deux textes du magistère des papes d'avant Vatican II. En note de page, c'est des références totalement, même non catholiques, même musulmans, même le Talmud, une fois, mais ça, c'est peut-être dans une autre encyclique qu'il avait cité. En sous-main, il te dit qu'en gros, il ne faut pas trop juger les divorcés remariés, qu'il faut les... Il ne le dit pas ouvertement qu'il faut les laisser aller communier, mais tu vois, c'est toujours le modernisme. C'est un peu un coup oui, un coup non... Ah, mais telle situation, ça peut le faire, tu vois. Ce genre de choses, et c'est en fait, finalement, c'est un peu le summum du modernisme, quand même, son dit pontifique. Et les encycliques très longues, où en fait, on ne comprend pas trop, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est affirmé, en fait. C'est creux, c'est vide. Ça me fait penser au compte-rendu que je devais faire lorsque j'étais au lycée, tu sais, en cours de français, de livres que je n'avais pas lu, tu vois. Tu n'as pas lu le livre, tu sais vite fait c'est quoi l'histoire, donc tu fais des pages et des pages, tu essaies de gratter, ok, là, je vais faire des tonnes sur ce truc-là. J'écris en gros, tiens là je vais passer des lignes, c'est un peu les mêmes combines tu vois, que j'avais quand j'étais au lycée. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? Ben, faut que ça ne veut plus rien dire, lycéens, c'est des merdeux, alors, il faut des trous du cul, des cons. Merci sûrement, bon, allez. Alors, écoute, excuse-moi, j'espère que la caméra est sur moi. Bon, Polak, je veux dire que ce que je viens d'entendre dire là, c'est rien du tout, c'est les mots de ma mère. C'est des mots de ma grand-mère. C'est des mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi bon, du mot. Allez, pas d'un... Bon, pas... ils n'ont rien à foutre. Bon, ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule. Merci, Choron. Ouais, mais les modernistes, c'est vraiment, on dirait, un générateur de phrases automatiques, quoi. C'est toujours les mêmes mots, mais c'est vrai que c'est du verbiage creux, qui veut rien dire. Et en fait, c'est assez ambigu. Pour que les gens s'y trompent. Quoique, il me semble que pour ce texte-là, il y a eu des doubias, notamment, je ne sais pas si c'était parmi les cardinaux, mais en tout cas, il y avait notamment Monseigneur Felet, de la Fraternité Saint-Pédis, qui avait évoqué, ils avaient évoqué des hérésies, même dans ce texte. Donc, carrément des hérésies. Hein. Pas des semblants d'hérésie, mais des hérésies. Donc, ce texte était quand même déjà problématique, même dans son propre camp et puis même bah, dans le, évidemment dans le camp de la frade des tradis. Mais tu sais pas ce qu'il pense, quoi. Tu lis tout le truc et au lieu d'avoir des réponses, t'as encore plus de questions. Et les deux camps, que ce soit les camps un peu progressistes ou conservateurs, arriveraient quand même à se dire ah ouais, bah finalement, je suis d'accord avec lui un peu sur ça. Enfin, ça s'est fait pour plaire au nombre, quoi. Mais on sait pas ce qu'il pense. Ça, c'est terrible, ça. C'est terrible parce que ça devrait être l'inverse, hein. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça devrait être... C'est fait pour ça, en fait, une encyclique, hein. C'est fait pour clarifier les choses. Là, c'est de l'embrouille, hein, c'est de l'enfumage. Hein. Parce qu'on m'a demandé de faire un discours. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Mais bref, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Tu lis une encyclique de Léon XIII. Enfin, c'est limpide, c'est clair. Quoi. Quand tu es un catholique bien formé, avec un catéchisme de base, tu comprends. L'encyclique de Léon XIII, qui est même une œuvre littéraire, hein, quand on la regarde. Et en note de bas de page, il n'y a que la Sainte Écriture, Saint Thomas d'Aquin ou les Saints-Pères de l'Église. Un texte de Saint Pie, c'est pareil. Enfin, tous les textes de l'Église sont clairs pour un fidèle. Mais le verbiage moderniste, tu ne comprends strictement rien du tout. Tu as peine à discerner le vrai du faux là-dedans. Et je pense que c'est entretenu. Bah, dans l'encyclique, c'est suffisamment solennel pour qu'on emploie des mots univoques, justement. Il ne faut pas que ce soit équivoque et ça laisse place au doute. Tout à fait. Ça peut être interprété de multiples façons. Et on est en plein 19e siècle, là, et en effet, la langue française est bien codifiée. Et que ce soit les écoles catholiques et non catholiques, en fait, on parle un français assez majestueux, et si bien que les documents de Léon XIII, oui, c'est en même temps de la haute littérature qui rappelle des vérités de foi de façon unilatérale, et puis des condamnations sans demi-mesure du libéralisme, de toutes sortes de choses, donc l'œcuménisme aussi, enfin voilà, là on a les fameuses oppositions par rapport au magistère passé, donc ça c'est de toute façon, à partir de Vatican II, mais avec Bergoglio, donc c'est l'accélérateur de progressiste. Donc là où il y a le Talmud cité dans les notes de bas de page, c'est Dilexit Nos. On dit une encyclique, ou alors, si on préfère, un article en ligne, un petit papier, je ne sais pas. C'est un papier de merde. Hein. Et ouais, en fait, il a fait ce Vatican III qui ne dit pas son nom à travers cette espèce de révolution synodale qui est un peu une subversion dans la subversion. Genre, le rite Paul VI, c'est un rite ringard, déjà. Là, non, on passe au mode amazonien, maya, etc. On vient réintroduire du paganisme sud-américain, genre c'est le vicaire de Pachamama qui débarque. Voilà, la collégialité Vatican II est redoublée, pareil, on démocratise encore plus, quoi. Avant c'était plus vers l'échelon de l'évêque, et là on redescend, et jusqu'à mettre des femmes, certes, que d'un côté administratif, ce qui fait que les prétendues diaconasses, etc., elles se sacrent toutes seules, sans Rome ou contre son avis a priori, sauf que comme je disais, il y en a qui sont excommuniés d'un côté et de l'autre, on attend toujours les condamnations aussi fortes de ces femmes qui font des rites apparemment catholiques ou Vatican II pour se faire ordonner prêtresse, si j'ose dire. Donc là, il y a beaucoup moins de réaction, et puis ça va avec tout le reste. Hein. Belloc a cité quelques papiers, c'est un papier de merde, hein. Quelques documents, mais entre l'écologisme, le jeunisme type mai 68, tout ce que j'ai pu nommer, il y a aussi des phases type éloge éhonté de Luther. Quoi. Il est parti vraiment très loin. C'est vrai que dans la chute des papes conciliaires, bon, l'un des pires, probablement Jean XXIII, il initie le mouvement, c'est un petit peu comme la Ve République. On préfère De Gaulle au successeur, et on préfère à chaque fois le précesseur au successeur, parce que c'est un peu la pente sèche, en quelque sorte. Mais celui qui a initié le mouvement, avec une république, je veux dire, laïque, etc., quand bien même ça serait une monarchie présidentielle, genre le seul point qu'il a gardé d'Action française, c'est l'autorité. Mais l'autorité, on peut l'employer dans un sens comme dans l'autre. Donc, bon. Et là, avec les papes conciliaires, c'est un peu pareil. Donc Jean XXIII a la lourde responsabilité, mais il conclut pas Vatican II, c'est Paul VI, c'est pas Roncalli, c'est Montini. Donc Paul VI arrive, lui, il retouche carrément tous les rites. Donc là, c'est en touchant la messe, c'est la secousse que l'on connaît et tout ça. Et bon, Jean-Paul Ier, trop court. Le 2, il va encore plus loin dans les déclarations. Il part vraiment loin sur judaïsme, antisémitisme, œcuménisme. Bon, il y a la réunion d'assises ou les choses comme ça. Genre, ça se faisait pas de façon aussi publique et hontée, etc. Là, avec lui, soi-disant, il y a un peu de l'anticommunisme aussi, parce que voilà, il est polonais. Bon, les Polonais, ils détestent autant les nationaux-socialistes que les communistes. Ils ne veulent pas entendre parler des deux. Mais quand on dit qu'il a bien lutté contre le communisme, j'ai envie de dire, non, celui qui a mieux lutté contre le communisme, il s'appelle Adolf Hitler, sinon. Et Jean XXIII et Paul VI, c'est vrai que carrément, c'est du philo-communisme et du philo-maçonnisme. Il y a des revues mexicaines qui avaient fait l'éloge, franc-maçonne, qui avaient fait l'éloge de Jean XXIII, notamment à sa mort. Il y en a qui l'ont fait, là, la Grande Loge d'Italie a fait l'éloge de Bergoglio après sa mort, etc. Bon, parmi les différents hommages, outre la presse très large, etc. Ce qui est quand même curieux, j'ai envie de dire, parce que normalement, le Christ nous dit bien que les hommes, en général, vont pas trop nous aimer dès qu'on se convertit au christianisme, et c'est normal. Il ne faut pas attendre du monde, le fait qu'il... Enfin, on n'a pas attendre la validation du monde, et le monde n'a pas envie de se convertir, et, parce que c'est des contraintes, et le monde va être... libre, et puis veut la débauche, veut tout ce qu'on veut. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Jean 15, 18. Ça là, quand tout le monde est en train de dire du bien de toi, bon, il y a toujours des exceptions, hein, toujours des cas particuliers, mais normalement, ça sent pas bon. Hein. Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Luc 6, 26. Visiblement, l'éloge l'aime beaucoup. Et ce qui est étonnant aussi, enfin, remarque un peu moins étonnant, c'était la cruche, la tondelier, l'écologiste, là, lui a rendu hommage aussi. Et le Robespierre Éco Plus, Antoine Léaumont également, lui a rendu hommage. Le Robespierre Éco Plus. C'est ce qu'il est, hein. C'est génial. Je sais pas, je vais pas être trop insultant avec lui parce qu'il a tendance à vraiment m'agacer. Là, le petit Robespierriste, bah, il a été dithyrambique sur Bergoglio, quoi. Donc, quand t'as des amis comme ça, qui étaient tes ennemis? Ah bah, je vais te dire, parce qu'en fait, je vais amender ce que j'ai dit auparavant, je me suis trompé. J'ai dit que François était toujours dans ses discours officiels très très flou, on comprenait rien. Ah non! Non, non, non. Quand il parlait des tradis, c'était très clair. On est tous des salopards. Donc les ennemis de François, on les connaît, c'est des tradis. Monseigneur Lefebvre, tout ça. Ça, par contre, c'est des sept types, parce qu'ils veulent catholiques. Et donc, bah, d'ailleurs, il a bien réussi son coup, je trouve. Hein, les fameuses communautés Ecclesia Dei, c'était Jean-Paul II, je crois, qui avait initié ça. Donc c'est la petite combine, hein, vous savez, pour permettre à la sphère un peu molle du tradistan d'être... sous l'égide de Rome et puis de les garder sous la coupe. Et puis donc, bah, François, maintenant, il a vu que... Donc voilà, le but, c'est pas d'avoir une communauté de tradis comme ça et de les gérer un peu. Non, non, c'est plus que ça. C'est après, les tradis, il faut les faire adhérer au modernisme. Donc, on rend très difficile les conditions d'accès pour qu'ils célèbrent la messe traditionnelle. On serre la vis de plus en plus. À la fin, ça devient impossible. À la fin, il faut l'aval de l'évêque moderniste. Donc, l'aval, vous l'avez jamais. Mais en attendant, c'est ça, du temps a passé, et les gens sont habitués à avoir de plus en plus de contacts avec les modernistes. Donc à la fin, ils sont devenus modernistes, hein, c'était le but recherché. Et puis à la fin, on coupe complètement le robinet, on supprime les communautés Ecclesia Dei. Il faut absolument, c'est devenu maintenant la routine, il faut absolument être avec Rome, donc on arrête la messe tradie, donc en fait on arrête tous les trucs tradis, et puis on devient moderniste comme les autres, hop, mission accomplie. Je trouve là-dessus, mission très bien exécutée de la part des modernistes, et en fait, les tradis, les damnons de la farce, comme d'habitude, enfin, pas tous, hein, bien sûr, hein, ça s'arrête, l'Institut du Bon Pasteur sont tombés dans le panneau, là, le Christ-Roi, pareil, ça s'arrête un peu aux Fraternités Saint-Pierre et puis Fraternités Saint-Pélise, là, c'est ça la frontière. Mais voilà, il y a beaucoup de tradis qui sont tombés dans le panneau, qui ont cru à ça, une certaine naïveté, quoi. C'est inconciliable. Même s'ils nous laissent, c'est Monseigneur Lefebvre qui disait ça, justement, même s'ils nous laissent la messe traditionnelle avec tout ce qu'on veut, même tous les jours, 20 fois par jour, ça n'empêche pas que dans le fond, il y a des erreurs philosophiques énormes et qu'on ne peut pas avoir de rapprochement évident avec les modernistes. C'est inconciliable. Nous voulons le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sur Terre. Eux, ils veulent l'inverse. C'est pas possible. Voilà, Bobby a dit plusieurs choses, notamment plutôt que d'être messager du ciel, il cherche à être messager de la mondanité. Il y a beaucoup de ça avec un message augustinien entre la cité de Dieu et la cité des hommes. On a l'impression qu'ils font le choix plutôt du côté des hommes. Et il y a un côté naturaliste là-dedans. Autant le surnaturalisme est un gros problème, on le dénonce souvent. Le pendant inverse, l'extrême inverse, provoque le même déséquilibre de l'autre côté. Et quand on voit de François Zéro et puis jusqu'à Jean 23, c'était des discours très onusiens. Et tout ça sous l'observation, enfin attentive de l'ONU, tu sais, l'ONU. Des collègues humoristes à moi. À chaque fois qu'Israël est impliqué, je regarde l'explication de l'ONU. À chaque fois, ils interviennent à un moment donné chez moi. Je taisez-vous, il y a l'ONU qui parle. Enregistre. Mec, bien habillé, le gars, il arrive. Non, cette fois-ci, non. Je crois qu'il faut quand même arrêter. Ça va, j'ai pas été trop. On se retrouve à la cantine, d'accord. Y a pas grande différence sur la notion d'homme abstrait qu'ils ont. Et en plus, celui qui s'abaisse sera élevé, et inversement, celui qui s'élève sera baissé. Là, en faisant l'éloge de l'homme en tant que tel, alors que sans la grâce, il ne peut pas atteindre un certain niveau de perfection et de correction. Ça ne veut pas dire que dans la nature, c'est mauvais, parce que la création est également l'œuvre de Dieu. Voilà, l'homme est à son image, il vit que cela était bon, etc. Donc là aussi, on garde un discours thomiste et on n'a pas à mépriser la nature. Mais ces modernistes-là sont très relativistes, on le voit dans Vatican II. On commence à relativiser un peu le salut, c'est plus hors de l'Église, mais on a un petit peu l'Église de toutes les religions, on essaie de rattacher les autres, dialogue avec les protestants et machin. Donc forcément, quand on est un relativiste comme ça, on n'aime pas celui qui affirme la foi, puisque nous-mêmes, on la ruine en fait, on propose quelque chose, c'est insinuer le doute, sur un sujet de complot, de potin, ou je ne sais pas quoi, insinuer le doute, tant mieux, c'est la tempérance, etc. Mais sur la foi, insinuer le doute, ça ne sent pas bon du tout. Je suis un peu exaspéré un peu d'un côté que quand on est très politique, on va se rendre compte, par exemple, Macron est un peu l'assassinat de la nation, ou quelque chose comme ça. Si on est catholique, le moderniste est un peu l'assassin de l'âme. Et comme il faut craindre plus ce qui tue l'âme que le corps, c'est autrement plus grave, en fait. D'une certaine façon, entre François Zéro et Macron, le premier est plus néfaste, d'une certaine façon. Mais tous ceux qui vont suivre cette ligne Vatican II, quelles que soient les tendances, j'ai un peu distingué, en quelque sorte, le communiste, Paul VI, Jean XXIII, contre Jean-Paul II. Mais c'est un peu comme Benoît XVI et Bergoglio. Donc le premier a le vernis conservateur, il fait un motu proprio qui semble remettre la messe en latin, et tandis qu'il est aussi le théologien par excellence de Vatican II, où il essaye de valider tous les concepts, notamment par l'herméneutique de la continuité. C'est-à-dire que jusque-là, on n'avait pas osé, sauf que lui, il s'est rendu compte qu'il y a en effet une opposition entre magistère Vatican II et magistère de toujours, si j'ose dire. Et donc là, il fait « Ah non, mais en fait, salto arrière, galipette, c'est bon, finalement, il y a quand même un espèce de continuum là, derrière le rideau, ou je sais pas quoi. » Donc voilà. Et face à cela, je préfère quand même le gars hostile qui s'en prend vraiment... qui part sur la ligne très progressiste et qui s'en prend au tradi, parce que ça les met beaucoup plus face à leur devoir, face à leur mission, et ils sont beaucoup plus obligés de l'accepter là où ils ne voudraient pas trop prendre les devants. Comme on le voit un petit peu avec la Frate Sympidis, où les abbés qui sont supérieurs mais qui ne sont pas évêques, disent « on va sacrer ». Il y a un énorme problème parce qu'il n'y a plus que deux évêques, ils sont assez âgés, et en plus ils ne veulent pas vraiment sacrer. C'est l'énorme problème qu'il y a. Probablement la Fraternité Sacerdotale Sympidis va perdre le sacerdoce, parce qu'elle n'aura plus d'évêque bientôt et qu'elle fera appel aux modernistes, à moins de vraiment se réconcilier avec certains williamsoniens, ce qui paraît compliqué, quoi, vu le conflit humain, le tempérament, et puis il y a du tempérament. En général, chez les williamsoniens, il y a un point commun avec les Sedevacs, il y a du gros tempérament. Quoi. Donc c'est des égos difficiles à gérer, on va dire. Pour revenir sur Ratzinger, Benoît XVI, il avait précisé dans un de ses ouvrages que Vatican II était un contre-syllabus. Même malgré le vernis traditionnel, en fait, il était profondément moderniste. C'est juste qu'il était il était moins ennemi déclaré que François Zéro, qui fait qu'en fait, il était beaucoup moins craint. Ça a berné finalement plus de gens, et comme tu le dirais, que ça vaut mieux un ennemi déclaré. Au moins, on sait à quoi s'en tenir, et plutôt qu'un demi-ami, quoi. On passe de syllabus qui condamne tout entre guillemets, hein, tout ce qui n'est pas catholique, et à en fait quelque chose qui ne condamne à rien de ce que le syllabus condamne. On est un peu là-dedans. Alors tu cites cette citation bien connue, et il y a même celle, je crois, du cardinal Swannens qui, je ne sais pas si Benoît XVI, il ne devait pas la méconnaître, mais c'est Mgr Lefebvre surtout qui l'employait, cette expression de Vatican II, c'est 1789 dans l'Église aussi. Il y a ces sens de la formule qui sont bien, bien intéressants. Et en plus, ça ne pouvait que dégénérer quand on voit les démocrates chrétiens en Belgique, l'archevêque, limite le pop local, là, qui le primat des Gaules, voilà, pardon. L'archevêque de Malines. Voilà, je veux dire, dans les années 30, on voit ça. À la mort de Pie XII, on voit ce que l'on a vu après. Et c'est vrai qu'en plein Vatican II, années 60, je ne sais plus comment s'appelle ce groupe tradit minoritaire qui était coalisé, auquel Mgr Lefebvre avait apporté sa firme. Je ne me souviens plus exactement les nombres. Dans le aide-mémoire sur le Concile Vatican II de Arnaud de Lassus, il avait retracé un peu le camp moderno interne et le camp tradit interne en plein concile, etc. Les premiers documents sont d'un genre valable, mais sont écartés de la main, et plus on avance, plus ça part dans l'autre sens, et en fait, ils représentaient même pas 10% des clercs en règle générale, ceux qui étaient attachés d'une façon ou d'une autre à la tradition, comme Mgr Lefebvre et bien d'autres, je sais pas, Mgr Ducos Bourget, l'abbé Georges de Nantes, il y a quelques noms comme ça qui ressortent, et d'autres qu'on a un peu oubliés, mais en fait, le poids sociologique ne pouvait que basculer dans l'autre sens, quand on étudie la chose, et ça ne datait pas d'hier. Apparemment, c'est Mgr Lefebvre qui le dit, ça, de sa rencontre avec Pie XII. Pie XII lui dit « Mon pouvoir s'arrête au bas de la porte là, que vous voyez juste devant nous. » Il ne maîtrisait plus rien, et même, c'est vrai que toutes les premières petites réformes qu'il a faites, qui sont minimes, ça va dans un sens de l'allègement, soit pour le cas de guerre 39-45, soit après. Sur la pratique de la foi, il revient pas trop sur la semaine sainte, le jeûne allégé, des petites choses comme ça, vous voyez. Et tous ces réformateurs, en fait, sévissaient déjà. Et en fait, à peine Pie XII plus là, ça y est, c'est la roue libre, quoi. C'est la roue libre. Et en plus, tous ces salopards là, de Jean XXIII, Paul VI, existaient déjà, étaient déjà plus ou moins parachutés dans les pays exotiques, genre Valois, on veut plus trop te voir, etc. Ils sont revenus, ils ont fait le coup d'État. Et ils ont tout pourri, quoi. Oui, et puis en plus, je crois qu'ils étaient un peu... Ils avaient des relations un peu obscures avec les communistes. Enfin, ils avaient des fréquentations bizarres, quoi, dans leur jeunesse. Ce qui est intéressant, c'était que Mgr Fulton Sheen, qui était donc un évêque américain d'origine irlandaise, qui avait converti une agent communiste américaine, et qui, elle, a écrit un livre, en fait, où elle parle, en fait, d'un plan communiste, en fait, à l'époque, pour subvertir l'Église, et en fait, en infiltrant, en fait, des communistes dans le sacerdoce. Et comment se fait-il, alors, que que l'Église, d'une certaine manière, je dirais, s'est trouvée lentement, mais sûrement pénétrée par toutes ces idées libérales? Comment cela peut-il se faire? Eh bien, par les moyens que les francs-maçons voulaient employer, c'est-à-dire pénétrons les séminaires, entrons dans les séminaires, que nos idées pénètrent dans les séminaires. Et ces idées, en effet, ont pénétré dans les séminaires avant le Concile, déjà, les idées libérales, et particulièrement, au moins dans les séminaires de France, par exemple, par les idées de Teilhard de Chardin. Et c'est des libelles circulaient dans les séminaires qui diffusaient ces idées. Et en fait, ce qui a pu aussi donner Vatican II, en plus des démocrates chrétiens qu'il y avait déjà depuis le début du siècle. Hein. Tout ça mélangé, ça a fait un cocktail assez explosif dans les années 60. C'est ça, et bon, du coup, il faut en tenir compte, et il y a un petit aspect, on va dire, complot, même si il y a du factuel. Et je pense même encore au-delà de ça, ça serait pas si grave si il n'y avait pas une dynamique générale, en fait, qui était déjà voilà, la mentalité boomer, quoi. Elle se profilait, le lendemain de la guerre, on n'en veut plus, vive la démocratie, etc. Finalement, tout ce qui s'est traduit en Europe de l'Ouest par de la politique, voilà, de la politique aérie, etc., s'est transposé jusque dans le domaine, en fait, de l'Église, de la foi, des choses comme ça. Or, comme dirait un peu Jean-Marie Le Pen, bah, peut-être que la société peut délirer, mais en fait, l'Église, elle n'en a pas le droit, c'est pas dans son essence. Elle peut pas divaguer à ce point, enseigner le contraire. L'Église est la lumière du monde, en fait, c'est elle qui doit donner le là, normalement, dans ce qui est de la morale et du salut. Les gens auraient pu accepter une Église, entre guillemets, intolérante, entre guillemets, intransigeante, etc., parce qu'ils ont dit, ouais, bon, ok, c'est l'Église, quelque part, elle n'a pas à être du monde. Et non. Ils ont voulu à tout prix se faire aimer par nos pires ennemis. Et c'est passé dans un sens et pas dans l'autre. Je veux dire par là que ce ne sont pas nos ennemis qui sont devenus de plus en plus catholiques. Ce sont les catholiques qui sont devenus de plus en plus athéistes. Et c'est pourquoi, voyez, la réforme liturgique est très dangereuse. Sans doute, elle a été faite avec une bonne intention, se rapprocher des protestants. Mais quels sont ceux qui ont fait les frais de ce rapprochement? Est-ce que ce sont les protestants qui sont devenus très proches des catholiques, qui ont presque accepté le sacrifice, qui ont accepté la présence réelle, ou est-ce que ce sont les catholiques qui ont fini par accepter un repas à la place du sacrifice, un banquet, une eucharistie, un partage du pain? Est-ce que ce ne sont pas les catholiques qui finissent par abandonner le respect et l'adoration de la Sainte Eucharistie et qui finissent par traiter l'Eucharistie comme un simple souvenir, un mémorial de la scène de notre Seigneur Jésus-Christ? Je pense que ce sont les catholiques qui ont perdu à cet œcuménisme de la messe et non pas les protestants qui ont gagné, malheureusement. Le monde est devenu athéiste, le monde est devenu relativiste et les modernistes ont suivi, ils nous ont entraînés dans cette chute. Bon, après, ça n'a pas eu que les modernistes non plus, il ne faudrait pas tout mettre sous leur dos, c'est aussi la société dans son ensemble, comme a bien rappelé Rex. Mais normalement, on aurait dû tenir bien plus que ça, quoi. Et là, le bilan post-Vatican II, donc le bilan de François aussi un peu, catastrophique. Je vais revenir sur un autre truc, c'est que, déjà sur le terme modernisme, les modernismes et les conservateurs, vous savez que nous sommes des conservateurs, si on écoute les infos, ils préparent le conclave et tout, donc il y a des gens qui seraient conservateurs. En fait, ils rappellent 2-3 trucs évidents sur les évangiles, en s'excusant deux trois fois quand même, parce que ça, apparemment c'est des gros mots, et ça fait des gens conservateurs. Alors moi je suis pas conservateur, je sais pas ce que vous en pensez monsieur, moi je veux rien conserver, hein. C'est-à-dire qu'on conservateur, ça veut dire tu prends l'état actuel, t'essaies de regarder 2-3 trucs, tu vas en laisser passer quelques-uns parce que t'as pas le choix, et puis la génération ça fait pareil, puis si tu fais ça sur plusieurs générations, à la fin tu gardes plus grand-chose, quoi. C'est ce qui se passe dans la politique française par exemple, ou même américaine, tu prends le national qui lâche du lest au fur et à mesure, à la fin t'as Marine Le Pen qui est contre l'AFD parce que l'AFD propose la remigration, quoi. Tu dis mais attendez, par rapport au message original, il y a un souci là, ça s'est dilué, il y a eu embrouille. Voilà, ça fait partie de ces termes que j'aime pas trop, et c'est le terme aussi, Rex parlait de réformateur. Faut bien qu'on avance aussi dans la discussion, donc qu'on utilise des termes, on va dire, qui nous arrangent pour qu'on puisse pas passer 50 ans non plus sur les mêmes sujets. Mais moi, c'est un terme que j'aime pas trop parce que d'être contre les réformateurs, parce qu'en fait, les tradis, en général, c'est des gens qui ont été assez actifs, même très très actifs dans tout un tas de réformes. En fait, c'est pas la réforme en elle-même qui est mauvaise, c'est quelle réforme on met en place. On va jouer un jeu, messieurs. Je vous propose de me citer n'importe quel, un pape le plus anti-moderniste que vous préférez. Ouais, n'importe qui. Ah là, c'est bon. Logiquement, j'aurais dit Saint Pie X, mais... Allez, Saint Pie X. Bah, par exemple, Saint Pie X, c'est un très grand réformateur. Il a réformé beaucoup de choses. C'est pas la réforme qui pose problème. Il n'y a pas eu de souci du tout. C'est parce que les réformes étaient bonnes, donc il n'y a pas de souci. Il a réformé quoi? Il a réformé la liturgie, bien sûr. Il a enlevé les musiques... commençait un peu à mettre des guitares, des trucs comme ça, donc il a cadré tout ça. La communion dès l'âge de raison, donc ça c'était vers l'âge de 7 ans, on pouvait communier. Avant ça se faisait pas. Hein. Il a révisé quoi d'autre? Il a fait le catéchisme, le fameux catéchisme de Saint Pie. Et il a le droit canon, qu'il a commencé à compiler également. Bien sûr, il a fait un gros focus sur les séminaires, formation des prêtres, qui était un peu délaissé, il a remis ça au centre des discussions, bien sûr la lutte contre le modernisme, on connaît le serment antimoderniste, il a fait plein de réformes, Saint-Pédis, hein, et des choses qui étaient vraiment, on va dire, courageuses, quoi. Donc, quand les réformes sont bonnes, il n'y a aucun problème, hein. Et là, on a pris Saint-Pédis, mais vous prenez n'importe quel grand pape, donc on va dire, donc avant Vatican II, forcément, puisqu'après, il ne reste plus grand-chose, hein. Les gens qu'on apprécie, c'est des gens qui ont fait beaucoup de réformes. Beaucoup de réformes. C'est pas des conservateurs, en fait. C'est pas des gens qui se sont dit, bon, allez, on touche à rien, et puis on attend que la tempête passe. Pas du tout, pas du tout. Quand les réformes sont bonnes, il n'y a aucun problème. Oui, je suis tout à fait d'accord. Même on pourrait citer Léon XIII, donc il fait l'encyclique Eterni Patris, entre autres choses. C'est une réactivation du thomisme à partir de là. En fait, c'est tombé en désuétude, le thomisme, après la Révolution française, notamment parce que les clercs se sont finalement mis à répondre beaucoup sur le terrain de la grâce, parce que le monde entier devenait de plus en plus matérialiste, en fait. Donc il fallait répondre beaucoup sur ce terrain, et toute l'école anti-libérale 19e siècle, donc vous avez Monseigneur de Ségur, de Lassus, Gaume, et je ne vous refais pas toute la liste, mais voilà, ils sont très connus. C'est comme c'est le 19e, et qu'il n'y a pas eu encore Eterni Patris, bon, Léon XIII, c'est plutôt fin 19e, ils sont très augustiniens, en fait. Donc on avait un peu perdu le thomisme, et il est en cela réformateur en nombre de points. Après, pour la réforme, c'est un petit peu comme le terme amendé. Je pense que ça suppose un bien. Et c'est vrai que quand on dit, là, pour Vatican II ou la révolution synodale bergolienne, j'aurais plus parlé de révolution ou de subversion. Carrément, subversion, ça fait encore un peu plus pervers. C'est vrai que réforme, bon, bah, ça peut être positif, ça peut être négatif. C'est plus une... quelque chose si quelque chose est amendable, on peut un peu l'améliorer, bon bah il faut faire la réforme. Ça veut dire, en fait, on remet un coup de pouce, on rénove un peu les choses sans se détacher de la tradition avec un grand T. Et alors là, tu me tends une perche, notamment politique. J'aurais dit, il faut être révolutionnaire conservateur. C'est un peu le courant entre deux guerres, allemand, italien, bon, européen en règle générale, d'ailleurs, même... En Espagne, vous avez Juan de Mella. Non, de Mella, j'ai un doute sur le prénom. Et c'est un peu saint-paulien, finalement, l'esprit avant la lettre. Et on conserverait vraiment ce qui a le mérite de l'être. Quoi. Si quelque chose est pourri, qu'il n'aide pas la société, les gens, le travail, la famille, la patrie, etc., bah, il faut exit, quoi. C'est next, ça saute. Et on passe à autre chose. En revanche, ce qui a le mérite d'être gardé, ce qui est valeureux, vivant, vital, nécessaire, voilà, tout ça, c'est en effet à conserver comme la tradition avec un grand T. Je me souviens des conférences de Mgr Tissier de Malray qui parlait de la vie apostolique de Mgr Lefebvre, qui était très mal vu lorsqu'il était en Afrique, parce qu'il prenait tout un tas d'initiatives. Aujourd'hui, quand on les écoute, on se dit, bah, en fait, il a eu raison, il avait beaucoup de dynamisme et d'audace. Notamment une qui étonnait beaucoup de gens, c'était le fait qu'ils prenaient des avions. Alors, des avions en Afrique, déjà, il n'y a pas de piste d'atterrissage. Les avions, c'est des vieux coucous. Il y a un moteur sur deux qui ne marche pas. Il faut donner des coups dedans. Ça, c'est trivial, hein. Et ils prenaient souvent des petits avions comme ça sur des chemins pas possibles. Donc, avec des risques, hein. Ça, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Hein. Fallait bien avoir le cœur bien accroché, hein. Monseigneur Lefebvre n'avait pas peur. Pour continuer sa mission d'évêque, en fait, hein. Il était vu limite comme un trouble fait, peut-être que certains diraient même aujourd'hui, je ne sais pas, un réformateur, si vous mettez un nouveau pape en 2025, des réformes, c'est pas ça qui manque. Il y a beaucoup de réformes à faire en ce moment, mais bon, on en parlera après dans la suite, je pense faut pas s'attendre à grand-chose. Est-ce que quelqu'un veut rejeter quelque chose sur le bilan religieux de François ? Oui, on n'a pas parlé, c'est une tradition moderniste du dialogue interreligieux, et ça, notre ennemi François Zéro était assez copieux, quoi, dans ce domaine. Il entretenait de très bonnes relations avec ses amis juifs à Buenos Aires quand il était archevêque ou évêque, je ne sais plus, là-bas en Argentine. Un sommet là, à Abu Dhabi, il me semble, aux Émirats Arabes Unis. Il y a même eu un texte que j'ai lu juste le préambule, et c'est un peu le summum, en fait, du dialogue interreligieux type moderniste. Genre, on vénère tous le même Dieu. Il n'y a plus le mot catholique dedans, il y a le mot croyant, simplement. Donc je pense qu'avec lui, Jean-Paul II avait déjà fait quand même pas mal, hein, avec Assise. Il était déjà allé très très loin. Mais là, dans le dialogue interreligieux, surtout avec les serpents à plumes là, d'Amérique du Sud, Il nous avait bien gratifié d'horreur dans les églises. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a un fidèle italien qui était pas très content et qui avait attrapé une statue de Pachamama qui s'était filmé en train de sur un pont en train de lui mettre un uppercut à la statue et qui tombait dans le Tibre. L'anecdote, c'était que François Zéro avait demandé à ce qu'on récupère la statue dans le Tibre. Donc il y avait toute une opération de police, de plongeurs et tout, ils ont fini par la récupérer. Donc on était vraiment allé très loin dans le dialogue interreligieux. Ça, il était vraiment, je pense que c'est avec le lobby LGBT, je pense que c'est pour cela qu'on se souviendra de lui. Parce que j'ai ma mission toujours de la soirée, hein, c'est de trouver des éléments positifs. C'est compliqué, hein, c'est vraiment une mission pourrie. Ça y est, j'ai trouvé. C'est qu'on peut pas faire pire que d'embrasser quand même le Coran en public, comme l'a fait Jean-Paul II. Donc il a fait Pachamama. Ça reste quand même moins pire que d'embrasser le Coran. Écoutez, j'ai une mission impossible à faire ce soir, donc laissez-moi des miettes, d'accord? C'est le seul truc que j'ai pu trouver. Encore une fois, hein, pour revenir sur un terme sérieux, c'est les modernistes, hein, toujours à travestir les bons termes, les saints termes, parce que le dialogue interreligieux existait déjà en Antiquement 2, mais ça peut être pris dans un bon terme, hein, si c'est pour convertir les autres à notre foi. C'est ça un peu le dialogue interreligieux. C'est ce que faisaient les apôtres, et c'est ce qu'a fait saint Paul quand il visitait les synagogues. Mais saint Paul rentrait dans les synagogues pour parler aux juifs, pour leur dire de se convertir. Il leur disait pas, bon allez, vous, moi, on a le même Dieu, c'est la même chose, et tout ça c'est kiff-kiff. Non, non, rien à voir. J'en reprends encore, je fais une fixette, mais Monseigneur Lefebvre, c'est un exemple qui a inspiré, enfin, c'est un saint homme, Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre, vous pouvez faire une recherche sur YouTube, hein. Il faisait des conférences pour les protestants, Monseigneur Lefebvre. Vous tapez Monseigneur Lefebvre, conférence protestant, il allait chez les protestants, et il donnait des conférences tout à sujet catholique, et il n'y a aucun problème. Vous connaissez, hein, le passage de l'évangile, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, hein, ce sont les malades. Donc il allait voir les malades pour les amener à la foi catholique. C'est comme ça qu'il faut être pris ce terme de dialogue interreligieux. C'est pas dire, bon allez, tout se vaut, et puis rien ne se vaut, et puis à la fin c'est pareil. Du coup les gens se disent, bon bah, si les juifs, les musulmans, les chrétiens, tout ça c'est la même chose, pourquoi est-ce que j'irai dans une église, quoi? C'est pour ça que les gens parlent des églises. Et on leur dit que ça sert à rien. Bah, ils viennent plus. Hein. Bergoglio, voilà, il a peut-être pas fait comme là, Jean-Paul II, mais il a fait faire, il a laissé faire, il a voulu que se fassent des choses d'un genre pire, quoi. Je reviens un peu aux messes païennes sud-américaines. Et même en matière d'œcuménisme, pour rebondir, le 13 septembre 2024, je pense qu'on l'avait cité à Orémousse quand même, ce passage à Singapour, qui est certes une ville très cosmopolite. Et donc, comme il y a musulmans, hindous, etc., il en profite pour mettre les pieds dans le plat. Et ça fait du Jean-Paul II suite, voire plus quand même dans le discours, où il dit littéralement « Toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Elles sont comme des langages différents pour arriver à Dieu. Mais Dieu est Dieu pour tous. » Littéralement, quoi, je veux dire. Donc, bon, le contexte sociologique cosmopolite qu'il y a dans le pays... sous prétexte qu'il y aurait peut-être des musulmans avec des couteaux, ne justifie pas quand même une telle ineptie, quoi. Dans ce cas-là, vaut mieux, si vraiment c'était dangereux, parce que certains le signalaient, ce que je comprends pas trop, hein. Au contraire, on admire d'ailleurs plus ceux qui affirment et disent les choses, quand bien même c'est moins conciliant. Et comme disait Belloc, voilà, l'Église doit donner le là, comme ça, même des païens... se tiennent moralement bien, ne trahissent pas leur famille, ne divorcent pas quand le message catholique est très diffus, en fait. Quand je dis des païens, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la foi catholique, qui n'ont pas la foi chrétienne, pas des gens qui pratiqueraient ostensiblement le paganisme, que sais-je. Donc là, oui, il a voulu aimer le monde, alors que normalement, on est détesté de ce dernier. Hein. Là, je fais un... C'est un peu... Moi, j'ai été formé aux encycliques, donc... Quand j'en parle, voilà, il y a l'évangile qui ressort un peu, parce qu'on se base toujours sur la parole du Christ et pas sur le vide, et d'ailleurs contre les protestants. Mais voilà, on est un peu envoyé comme des brebis au milieu des loups, etc. Donc là, toute cette véritable opposition, à la limite, je vais dans le sens de Bobby, il a eu des phrases un peu contre la finance apatride, cosmopolite, des choses comme ça, Bergoglio. C'est surtout au début. Je pense que c'est encore du 2013-2014. Il n'a pas tellement réitéré ces choses-là. Et au final, à soutenir les migrants, les choses comme ça, bon, bah, on soutient l'espèce de mafia internationale, des bateaux, des politiques et des machins, de trafic. Bon, si c'est peut-être pas d'esclaves d'ailleurs dans les pays Moyen-Orient, Moyen-Orientaux, il y a une limite de la pédophilie là-dedans, il y a un peu de tout qui... Voilà. Donc c'est pas très glorieux tout ça. Et en plus, voilà, l'agneau est-il encore sur l'autel ? Parce que c'est un peu le point névralgique quand même, la foi catholique. C'est, voilà, est-ce que quand on sacrifie sur l'autel, il y a un vrai agneau, là, il y a une vraie communion à la place, bon, bah, il y a eu la scène protestante, quoi, des mêmes aspects frappants qu'on a constaté chez les anglicans, où au début, on écharpe de plus en plus la liturgie et on la fait ressembler à une scène hein, plus qu'à un sacrifice, certes non sanglant, mais renouvelé. Et là, bon, comme je disais, ringardise oblige, maintenant, c'est même les anglicans, c'est trop, je sais pas, 15e siècle, donc il faut des rites, des danses païennes, et en plus, si les Sud-Américains s'y mettent en bonne part, en fait, rien n'empêche à ce que des espèces de néo-païens en Europe nous fassent un christianisme bidon, voire les Africains qui eux, sont aussi, ont des bonnes germes pour faire des trucs pareils, quoi. Messieurs, je propose de faire un bilan politique de François, on a déjà un peu parlé, les LGBT, l'immigration, parce que voilà, les migrants, le pape s'occupe des pauvres, c'est très bien, mais en fait, normalement, t'es censé entendre un discours, en fait, les pauvres de ton pays, quoi, t'es pauvre, les pauvres de ton pays, t'essaies de régler des problèmes pour réduire la pauvreté de ton pays. Là, en fait, on a eu un discours complètement inversé. En fait, fallait faire venir les pauvres des pays africains, bien sûr, pour les mettre dans les pays riches, bien que nous aussi, nous ayons des pauvres chez nous, et pas qu'un peu. Une modification comme ça, une petite pirouette politique. Bilan politique, alors là, j'abandonne ma mission du soir, là, il n'y a rien à sauver. Catastrophe totale. Les homosexuels, les gens marrons, les transsexuels même. Enfin, les transsexuels carrément, quoi. Les gens qui font même des opérations pour changer de sexe. On a tout eu, hein. Là, je peux pas. J'ai rien trouvé de positif, il y a rien, je pense. Ah, on en a un petit peu parlé, de toute façon, parce que d'une certaine façon, voilà, ils ont une certaine éthique du monde, on va dire ça comme ça, l'idée qu'ils se font de la foi, et forcément, la politique, ça se répercute dessus, quoi. Ça se répercute sur l'agir, sur ce qu'on veut en société. Donc, apparemment, c'était pas trop le Christ roi de Quas Primas de Pie XI, mais c'était plutôt les migrants, la féminisation. Et la féminisation, il faut le faire en plus, hein, parce que c'est. Ils essayent d'y résister pas mal chez les conciliaires parce qu'ils vont citer Jean-Paul II qui fait des éloges de la femme en tant que telle, mais qui dit mais non, elle reste quand même dans le cadre un peu familial. Et encore que ils commencent à en nommer qui seraient des bienheureuses et des saintes plus ou moins doctes, etc. Alors que là, ce qui relève de l'autorité enseignante du magistère. Bon, il y a celui de l'Église directement, mais finalement, même enseignement des saints, des canonistes, etc. Bon, c'est évident que c'est ultra masculin, ça ne peut être que ça, et donc fallait le faire, quoi. C'est presque le pire point de la liste, il a fallu attendre un peu plus, et bon, avec les trucs LGBT, mais ça va souvent ensemble, de toute façon, quand on fait de la féminisation, il y a les trucs un peu histoire de travelot qui vont avec, parce que, voilà, les femmes, c'est pas pareil, elles sont compréhensives, ça les choque pas, et puis l'émotion, le pathos et machin, alors que nous, c'est juste non, en fait, quoi, des histoires, je ne veux même pas en entendre parler. Quoi. Mais voilà, donc bilan politique, bah, c'est enfin, voilà, il a cru au globalisme, au mondialisme, à ce relativisme, ça, voilà, je ne vais pas balancer tous les ismes, mais bon, de toute façon, ça ressemble beaucoup au monde, quoi, donc il ne va pas s'opposer à ce dernier. Quoi. On va essayer d'agiter notre boule de cristal, messieurs. Quel successeur pour la suite, surtout quelle politique, car après tout, le nom, peu importe, quelle politique va être mise en place pour la suite. Personnellement, hein, je suis obligé de m'oublier un peu là, 80% des cardinaux électeurs ont été directement nommés par François. Il ne faudra pas s'attendre à des changements bouleversants, dans un sens ou dans un autre. Donc, je pense que la réponse va être de toute façon, et de toute façon, pour le successeur, il ne pourra pas faire pire que François. Ça va être notre seul lot de consolation, j'imagine, parce que je vois pas un changement radical comme ça venir dès demain, quoi. J'ai vu la liste des fameux, des plus ultra-conservateurs, selon les médias dominants. Écoutez, c'est des gens, ils ont bien du mal à dire que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle. Ça va être compliqué. Hein. Ça les gêne, en fait. Ah, l'eau ça mouille, on ne sait pas, peut-être. Ça dépend des conditions. Ouais, en fait, ils sont pour une grande partie progressistes. Donc, il y a une petite branche un peu conservatrice, notamment sous l'égide du cardinal guinéen Robert Sarah. Donc, qui est le seul noir de la bande. Qui, lui, bon, qui ne pourra même pas voter d'ailleurs parce qu'il est, il a dépassé les 80 ans. Ah, il n'avait pas juste 79 ans. Oui, il pourrait être élu, ouais. Je crois, mais je ne crois pas qu'il puisse voter. Être élu, en fait, il a aussi assez peu de chance, hein, puisqu'il n'est pas non plus. Il n'est pas forcément en dehors de sainteté, si je puis parler ainsi, parmi tout le groupe de cardinaux nommés par François. Bon, lui, il condamne pas réellement Vatican II, hein, il est quand même assez consensuel sur certains sujets. Par contre, en revanche, sur l'immigration, sur la politique, c'est quand même le seul à peu près lucide. Hein, donc ça, on peut lui donner ça. Mais moi, je pense pas que ce sera lui. D'ailleurs, les gens font tout de suite, là, il est noir... Là, les tradis racistes, ça va pas leur plaire. C'est pas la question, en fait. On s'en moque un peu. En tout cas, la plupart des autres, notamment, il y a un cardinal asiatique, apparemment, qui est assez gratiné, très, très progressiste. Parolin, l'italien, je crois aussi. Finalement, moi, je vois que ça va peut-être continuer de creuser. On va peut-être trouver le pétrole à la fin. ça va peut-être amener quand même de plus en plus de conseillers à se poser des questions. Et peut-être rejoindre la tradition, et ce serait peut-être l'aspect positif de la chose. Parce que moi, très honnêtement, avoir un deuxième Benoît XVI qui va encore endormir les gens, moi, je trouve que ce serait. Qui canonise Luther plutôt là, qui nous trouve un truc là. Ouais, non, faut qu'il canonise le Père Mathieu là. Mais jusqu'à quand, quoi, les gens se réveilleront, quoi. Il faudrait vraiment quelque chose de grave, en fait. Mathieu, Santo Subito, et puis on en parle plus. Ah oui, alors là, t'as toute l'Afrique qui fait sécession. Là. Et c'est bien, du coup, non ? Non, mais bien sûr, évidemment, non. Parce que la façon dont tu l'as dit, je voulais pas certaines du tout. Façons, mais c'est pas. Non. Puis, par pudeur, Belloc ne nomme pas l'asiatique, alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça ressemble fortement à ta gueule. Oui, c'est ta gueule. Ta gueule. voilà, donc bon. Donc après Bobby a nommé ce qu'il fallait nommer, c'est que 80% du entre guillemets cardinalat entre les murs modernistes sont choisis par ont été désignés un peu par Bergoglio, un peu comme le Christ désigne son successeur. Voilà, c'est Bergoglio a mis en place ses pions, donc ça sent plus a priori le penchant progressiste, même s'il pourra toujours faire un semi-double jeu, bercé d'illusions, celui qui voudra bien être bercé d'illusions, ils sont très nombreux, donc voilà. Genre. Mais voilà, donc les murs modernistes ne vont pas donner autre chose que les murs modernistes. Je trouve qu'il y a cette déclaration de Saint Athanase, là, qui a été évêque et de premier siècle, hein, et il a fait face à la crise arienne, autant c'est contextualisé, et en même temps c'est un beau message pour nos jours qui pense un peu le cœur, parce qu'il dit en gros... la crise arienne prend tous les bâtiments, prend toutes les églises, en fait. Donc ils disent, réfléchissez un instant, ils ont les bâtiments très bien, mais nous avons la foi. Donc c'est bien d'avoir les deux, mais quitte à avoir juste l'un des deux, à votre avis, lequel il faut entre les deux ? Il faut l'architecture ou il vaut mieux avoir la foi catholique ? Bon, c'est le choix est vite fait, et il faut vraiment rester sur cette ligne-là, sans trop espérer de... En effet, de Pie XIII, je n'allais pas dire obscur, mais voilà, de race noire avec ce fameux cardinal Sarah, qui croit vraiment en la foi, mais comme l'a dit Belloc dans un sens Vatican II, il a joué un jeu plutôt double avec Bergoglio. Je mets ma signature contre, et en fait non, et puis je réitère un peu mon soutien. C'est sûr que politiquement, il a déjà déclaré des choses, hein, type que les Européens ont tout à fait le droit de se défendre et d'entendre être chez eux sur leur terre, etc. Et quand il dit ça, littéralement, Sarah s'adresse aux Blancs, hein, littéralement. Donc je peux comprendre que dans la débandade totale, on a l'impression que ça fait un peu de bien, quoi, mais bon... C'est pas non plus un foudre de guerre et le catholicisme le plus intransigeant. Quoi. De toute façon, le catholicisme le plus intransigeant, il est en train d'être réduit à peau de chagrin. Comme je le disais, notamment pour la situation Fraternité Saint-Pie X. Et j'ai une petite exclue, d'ailleurs, vous qui avez parlé de Thyssen-Mallory qui est décédé récemment. lui qui a été un peu opposé à la résistance williamsonienne en acte, le souhaitait au final la résistance en interne, en quelque sorte. De toute façon, c'est la ligne Monseigneur Félé qui a gagné, donc il n'a rien pu faire, il a resté, voilà. Mais quand est venu Monseigneur Wunder, là, vous savez, quand il avait fait ses huiles là, en Allemagne, je crois que c'était la fête de Pâques, voilà. Et ben, Stevie Wonder, je rappelle la blague. Hein. Voilà, Stevie Wonder, exactement. Monseigneur Stevie Wonder, autant chanteur que plus chanteur qu'évêque, du coup. Et littéralement, j'ai une double exclue là-dessus parce que Monseigneur Tiziano Malrès s'était rendu sur les lieux, n'a pas voulu employer ses huiles puisqu'il a amené les siennes propres et qu'il a même trollé en ce sens l'assistance. Et certains clercs allemands qui étaient présents, une partie était d'accord avec lui. Alors comment ils ont grugé c'était littéralement, on circulait à ce moment-là, des huiles williamsoniennes. Quand je dis williamsoniennes, on ne sait pas si c'est précisément Monseigneur Williamson qui les a bénites, en tout cas sa structure. Je crois que c'est Société des Apôtres de Jésus et de Marie, là, si on regarde sur Internet, S-A-J-M. Donc là, ils ont carrément envoyé en urgence et aidé, assisté comme ça. Donc c'est la seule petite liaison qu'il y a eu, et discrète et localisée, locale, si j'ose dire, mais entre un peu williamsonien et frateux depuis tous ces innombrables conflits, disons. Obligé de faire des tours de magie avec des huiles pour essayer de garder un peu de. Ouais, pas le choix. Bon, écoutez, si on en est revenu à là, on s'accroche à ce qu'on peut, hein. Bah c'est ça, en fait, on a l'impression d'être tellement en slibard qu'on se contente de peu, et vous avez dit, bon, par exemple, ça a bien fonctionné le modernisme après la guerre, etc., mais aussi, surtout en France, parce que les pays latins ont un vernis conservateur un peu plus prononcé, Portugal, Espagne, Italie, si bien que les gens ont moins vu l'esbrouf, et comme on le disait, c'est plus dangereux quand il y a en apparence un peu plus de vrai, mais qu'il y a beaucoup de faux, bah le faux va passer. Là où, en fait, c'était tellement littéralement des gauchistes, les abbés, un peu comme l'abbé de Morandé face à Jean-Marie Le Pen, ou tous ces gens insupportables, ils étaient, en fait, il y en avait pléthore en France, ce qui fait que ça ne pouvait donner qu'une réaction, finalement, conservatrice, plus radicale, heureusement, en face, quoi. Mais, cela dit, on reste toujours hors giga CDVAC de la street, et encore, c'est pas forcément ce qui est le plus recommandable, parce que c'est difficile de contrôler tous les sacres qu'il y a pu y avoir de leur bord, sans parler directement de Monseigneur Tuc d'ailleurs, mais il y a aussi une mentalité anarchiste, il y a des prêtres gyrovagues, donc c'est autocéphale, on se dirige soi-même, etc., on a un peu notre propre pape, et ça c'est aussi condamné du magistère, donc le monde tradit autant à ses grosses faiblesses, bon, les Guérardiens, l'IMBC et la Fraternité Saint-Pie-X, entre autres choses, eux tous, ils ont un point commun d'ailleurs, c'est que ils vont dire Vatican II a fondé une nouvelle religion, mais ils ne vont pas estimer ce que cela implique derrière, et donc ils vont pas dire, ils n'ont pas fondé une nouvelle église cependant, donc ils auraient fait une nouvelle religion, qui pourtant devrait les placer en dehors de l'église selon l'enseignement traditionnel, j'imagine bien qu'ils professent autre chose, donc ils s'y trouvent plus vraiment au sens surnaturel, au sens d'un bâtiment architectural à Rome, je veux bien, au sens surnaturel, au regard de la foi, etc., ils sont plutôt en dehors. Et donc on a vraiment cette fracture psychologique qui existe peut-être moins en Amérique, parce qu'ils ne sont pas européens, ils sont un peu plus loin, ils s'en foutent, mais nous on a vraiment ce côté de l'Église, c'est les modernistes, c'est eux qui ont l'autorité en quelque sorte, et comme ils font un très mauvais usage, en quelque sorte ils étrangleraient l'Église du Christ, il y aurait un Christ impuissant, qui regarderaient les modernistes en train de le crucifier une deuxième fois, etc. Enfin bon, ce sont des conceptions assez innovatrices, assez, assez curieuses, donc je ne sais pas comment tout cela va finir, mais on est très peu éclairé et ça ne nous aide pas, en fait, toute cette actualité. Il n'y a pas le temps de se poser, de réfléchir un peu, plus que dans les années 70, où on ne pouvait pas trop calculer toutes ces conséquences. Les tradis des années 70, c'était vraiment tous ceux qui gardent la messe en latin, on va aller chez eux, quel qu'ils soient, zéro contrôle, zéro, ça a commencé beaucoup comme ça, et même la frate qui se moque des CDVAC, dans les années 70-80, c'est évident que c'était aussi la frate du garage. Mais encore une fois, revenons à Saint-Athanase, mieux vaut avoir la foi dans le garage que de trahir complètement la foi du Christ et de son Église, tout en ayant une superbe cathédrale, et encore avec l'art Vatican II et III, ça va être de plus en plus défiguré. Donc bon, voilà, c'est situation assez insoluble, mais et très, très décadente. Hein. Et puis, en fait, aussi côté tradit, voire surtout, c'est ça le problème. Parce que s'il n'y avait que les modernistes qui posaient problème, bah, ils sont en face, on s'en fout, on leur met des claques. Quoi. Mais notre camp est assez peu éclairé, les évêques n'assument pas leur autorité. Et je ne sais pas, tout ça est bien triste. Oui, parce qu'en fait, dans notre milieu, bon, on se gosse bien sur, sur le cardinal Sarah, mais bon... Est-ce que ce serait vraiment une bonne nouvelle, en fait, qu'il soit élu? Bon, il a peu de chance, hein, mais en fait, je pense que le problème ne fera que continuer si c'est lui. Et, bah après, il va faire des autodafés en mettant des homosexuels dessus, donc... Et c'est bien, du coup, non? Non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment. Non, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, ah, je veux dire, vraiment, ça, moi, j'ai compris, je voulais pas certaines façons, mais c'est pas... Non. Tu viendras peut-être fêter... Ouais, mais moi, en soi, je veux dire, il m'est sympathique. Hein. Bon, ça, c'est juste une opinion personnelle... Moi, il m'est sympathique. Enfin, il reste. Au niveau des mœurs, je pense qu'il est tout à fait. C'est un homme normal. Et... Je pense aussi, oui, c'est sûr. Oui. Non, mais c'est un Africain. Ouais, c'est bon, ils ont... Sur la loi naturelle, il faut dire que maintenant, ils ont quand même plus de bon sens, hein, notamment sur le plan des relations homme-homme. Enculé, tapette, PD, tarlouse, etc., etc. Hein, ce que Conversano appelle les pans, n'est-ce pas, très souvent c'est le pire cadeau qui est fait à Mamadou, en fait, parce que le cadeau qui est lui offert, c'est quand même la blanche mai 68, donc c'est le cadeau empoisonné. Ouais, il n'en veut pas, quoi. Ouais. La chair noire, il n'en veut pas non plus à cause du sida. Bon, c'est un autre sujet, excusez-moi, pardon. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Ben là, non, mais... je t'en prie, pardon. Non, ce que je disais, c'est que... En fait, ça va encore berner les gens, parce que même à Fraternité Saint-Pédis, ils cherchent absolument peut-être leur pape conservateur Vatican II. Mais parce qu'en fait, je pense qu'ils ont une... Ils ne voient la tradition que par rapport à la messe. Bon, la messe, c'est très important, c'est le centre aussi de notre foi. C'est comme ça qu'on aime le bon Dieu sur Terre, en lui rendant un culte. Et en fait, ils centrent beaucoup trop les choses sur la messe, sur la préservation de la messe, alors qu'en fait, au niveau de la doctrine... Et on voit bien la frate, ça commence à ça diminue. Ils utilisent par exemple le droit canon de Jean-Paul II, par exemple. Donc il y a toujours ce petit mélange un peu bizarre entre le ralliérisme et la conservation. Et moi, je pense que justement, s'il y a un nouveau clown là qui est élu, ça va peut-être déjà au moins faire bouger les choses, au minimum. Mais bon, il n'y a pas beaucoup à attendre de ça quand même. Hein. C'est quand même toujours, comme le dirait, c'est un peu la confusion. Que le message qui soit envoyé soit clair, quoi. Dans un sens ou dans un autre, mais que ce soit un sens positif. Hein. Mais que soit qu'ils nous mettent le père Mathieu, ou soit qu'ils nous mettent Adolf Hitler. Mais pitié, pas d'entre deux, quoi. Non, par contre, Adolf Hitler, empereur du Grand Reich allemand, qui utilise je ne sais plus comment on appelait ça, l'exclusive, qui permet de décider du sort d'une élection papale. Ben, je veux bien, là. Mais comme ça a été le cas pour Saint-Pédis, d'ailleurs. Pour l'anecdote, Saint-Pédis, normalement, c'est le cardinal Rampolla qui était élu. Et l'empereur d'Autriche, à l'époque, a utilisé un vieux droit médiéval, une vieille prérogative de l'empereur, qui a fait annuler l'élection. Il y a eu une autre élection, et c'est Saint-Pédis qui a été élu. Voilà. Moi, je dis donc Adolf Hitler, peut-être pas pape, mais au moins empereur. L'empereur chrétien comme Charlemagne, voilà, le glaive et l'épître, et non le Talmud et le souk. Et l'épître, en deux mots. Voilà, et l'épître consommé, l'épître achevé. Après, j'abonde dans le sens de Belloc sur la frate, voilà, conserver la messe, mais en fait, si vous ne conservez pas une autonomie, une autorité épiscopale, avec de nouveaux évêques valides, sacrés dans le rite de toujours, et etc. En fait, vous n'allez préserver plus rien, ni même la messe, parce que l'évêque, le monseigneur Moderno débarque, il fait ses rites bidons sur vos séminaristes, qui sont presque au nombre d'une centaine, hein, parce que si on additionne Econ Flavini, je ne sais plus, il y a quelques centres, là, je crois qu'il y en a un en Argentine aussi, donc il y a limite, techniquement, ils sont 800, il y a 700 prêtres et 100 qui sont en plus ou moins en passe de le devenir ces prochaines années. Donc là, face à cela, en plus, ça s'amollit, hein, je trouve. Il y a des sermons moins prenants. Chez les Gérardiens, les sermons dominicaux sont pas trop mal. Ils y vont un peu plus fort, comme disait Belloc. On va pas se baser vraiment sur le droit canon de Jean-Paul II, même s'ils ont peut-être pas la réponse sur ces sujets-là. Ils vont quand même faire le carême plus dur. le carême, il l'annonce presque un mois à l'avance. Il prépare mentalement, il fait « faites vos résolutions tout de suite ». À la fraternité, c'est sermon de 15 minutes, c'est la 14e minute. « Ah oui, il y a le carême, c'est vrai ». Bon, faites-le 4 jours au lieu de 40. Bon. Ça, c'est, voilà, passé, bon. C'est aussi la bourgeoisie hein, qui était présente chez les fidèles de la frate. Pas forcément la faute des prêtres non plus, mais beaucoup de bourgeoisie, de prout, hein, et ça manque un peu de vigueur prolétarienne. Voilà. Bah, à l'image de ces fidèles, si l'on veut, mais en même temps, il faudrait qu'il secoue. C'est un peu son rôle, hein, de se secouer spirituellement, etc. Bon, mais voilà, moi, j'allais surtout souligner ça, c'est à force de vouloir préserver juste la messe, on ne va plus préserver le reste, et finalement, plus rien du tout. Voilà, on n'aura sauvé même pas les meubles. Tu parlais des gens qui doivent secouer, enfin des prêtres qui doivent secouer en sermon. J'ai la petite anecdote de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui en plein sermon a appris qu'en fait, qu'il y a des gens qui faisaient la fête dans l'auberge à côté. Il est carrément descendu de sa chaire, il est allé sur place, il est monté sur la scène, il a pris les instruments à Paris, il les a cassés sur ses jambes, et puis sur ses genoux, et puis il est reparti faire son sermon. Voilà, enfin c'est ce genre de prêtre qui nous fout. C'est pas de faire quand même 4 jours, comme tu dis, c'est... il faudrait vraiment du peps, quoi. Il faudrait vraiment de la vigueur. Bah, nous on veut un saint prêtre qui attrape Laurent Glosi, qui lui fout une camisole blanche de force et qui l'enferme dans sa soucoupe et qui le balance comme ça sur Mars, quoi. Faut lui laisser sa vitamine C avec. Ah oui, parce qu'il vend de la vitamine C qui est magique, qui rentre directement dans le sang, je sais pas quoi, le bordel. En plus, à mon avis, c'est complètement illégal ce qu'il fait, hein. Il a pas le droit de faire des trucs comme ça. Enfin, il est pas pharmacien, je veux dire. Tu peux pas faire ça. Ça guérit le cancer, je pense, la vitamine C. Oui, c'est ça, non, mais c'est vrai, en plus, c'est ce qu'il dit, hein. Ça guérit le cancer, c'est ce qu'il dit. Ça, je pense même que ça défizerise, si jamais vous êtes vacciné. Il faudrait qu'il fasse un partenariat avec Monsieur K, parce qu'apparemment, lui aussi, il guérit le cancer. Oh, mais c'est 500 balles. Ah oui, ouais. Alors que la vitamine C de Glosi, c'est quand même 10 balles. Tu te fais moins enfiler, quoi. Bah, Conversano a peut-être payé plus cher pour guérir le cancer que 500. Donc, l'autre. C'est combien une injection Pfizer? Bah, c'est gratuit, vu toute la politique. Ah, je sais pas, je l'ai jamais eu, moi. Donc, je peux pas te dire. Ouais, enfin, il y avait des vaccibus, hein, donc tu te promènes et tu dis oui, s'il vous plaît, et c'est fini. Oh, des fois, tu dis même rien du tout, il te pique quand même. Tiens, on passe aussi. À ça. C'est un peu comme, comme le recrutement des soldats en Ukraine. Tu te bats dans la rue, t'es un homme, et puis après, t'as un van qui arrive, il te kidnappe, il te fout dans le van. Tiens, tu vas aller combattre les Russes, là. Ah bon, t'es sûr? Ah bah, d'ailleurs, il faudrait une citation de côté parce que Bergoglio sur le vaccin, c'était une nouvelle rédemption. Oui, hein. J'y pensais, ouais, justement. Il a poussé les gens à se faire vacciner. Hein. Il a fait un dogme quoi, d'un sujet très politique. Alors que tu te passes dans un sens ou dans un autre, moi je pense qu'il a fait un très mauvais choix dans sa décision. Mais même en mettant ça de côté, il en a fait quelque chose de religieux. C'est devenu un péché de maintenant de refuser le vaccin. Non, mais là, il faut arrêter. Sur les sujets où il faut être politique, comme par exemple l'avortement, hein, puisque l'avortement est passé dans son pays, en Argentine, de manière légale, on n'a pas entendu le Vatican, pas un mot, rien du tout. Il aurait dû parler, là, on n'a rien entendu. Et sur les sujets où tu dois avoir un petit peu de retenue, quand même, tu te dis, bon, ok, c'est politique ou religieux. Bah non, c'est plus politique que religieux, ça va. Non, là, par contre, on y va à fond et ça devient le nouveau péché mortel. D'ailleurs, le péché mortel n'existe pas, messieurs, mais si vous êtes tradis ou si vous refusez le vaccin, vous allez en enfer. Voilà, sachez-la. Si vous jetez du carton ou du papier en dehors de la poubelle jaune également, et si vous êtes misogyne aussi, et que vous ne voulez pas qu'il y ait au secrétariat à Rome des ginettes cathos qui administrent les âmes. Et le 20 avril, soit à peine 24 heures avant son décès, il avait quand même, du haut de la basilique Saint-Pierre, lu un texte, je sais pas s'il y avait un prompt, quoi, enfin c'était presque ça, et il fait le climat d'antisémitisme croissant se répand dans le monde entier, donc il a joué une nouvelle musique, genre je sors de l'hôpital et ça sort le violon en même temps, alors que deux choses, bon, il est à l'article de la mort et ou presque, et en plus les bombes pleuvent à l'infini sur Gaza, un petit peu comme les bombes anglo-américaines sur la France et l'Allemagne en 44-45. Quoi. C'est un petit peu ça, sur 50 km², c'est un tapis de bombes, genre les autos d'affaires à côté, c'est gentil. Quoi. Et ouais, bon, lui qui a fait pourtant des doubles discours d'ailleurs sur Israël-Palestine, mais bon. Tu parlais du 20 avril, Rex, ce serait pas l'anniversaire de quelqu'un ce jour-là? Parce que, bon, Bergoglio qui fait un discours sur l'antisémitisme, là, je pense qu'il y a un esprit qui est sorti de la tombe, tu vois, qu'il a un petit peu torturé, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Un ange. L'esprit d'un peintre, obscur peintre autrichien. Bah, c'était le 20 avril 2025, là, on était gâtés, il y a eu Pâques, et en effet, là, c'est la naissance de Tonton le même jour, et donc cette citation très philosémite, quoi. Ensuite, la foudre de Tonton. Bah, à la limite, juste un point positif pour clore un peu le thème. Il y a en ce moment le nombre de baptêmes qui est en augmentation, dit-on. Après, c'est peut-être à réviser selon immigration, baptême valable dans le cadre conciliaire, etc. Mais voilà, s'il y a une bonne nouvelle, c'est plutôt ça. Les gens reviennent un petit peu de foi comme ils peuvent, selon leur éclairage. Mais je pense que c'est une dynamique assez générale aussi. On voit qu'on est un peu au bout des 30 glorieuses, si j'ose dire, en termes matériels et tout. Donc il n'y a plus grand-chose autour de nous. On a les yeux un peu plus rivés vers le ciel. Donc ça, c'est un aspect positif, mais on ne le doit pas vraiment à l'apostolat Bergoglio, quoi. C'est plus une dynamique générale, voilà, un petit peu de retour à la demande de baptême. Bon, en sachant qu'il y a des générations réaction, plus ou moins jeunes. Une réaction matérialiste. Au vide. Ouais, on vide et du coup, on réagit. L'islam qui prend plus de place, etc. Bon. Ouais. Messieurs, je propose une petite musique de pause, mais avant, j'ai demandé de l'aide à notre ami Belloc. J'aimerais que Belloc nous rappelle des faits, juste des faits, pour que vous compreniez un peu la drôlerie de la musique de pause. Qu'est-ce qui s'est passé, de manière succincte, avec cette histoire de nouveau roi sacré là? Est-ce que tu peux nous rappeler vite fait ce qui s'est passé? Ah oui, en effet, nous avons, depuis apparemment le 29 mars, nous avons un nouveau roi de France, en la personne de Henri V de la Croix, sacré dans son garage par le caméraman de Cassandre. Donc, Alors, on précise, on trolle pas. Hein. C'est la vérité, en fait. Voilà, on rigole, mais bon, c'est... on croyait au poisson d'avril, hein, c'est sorti un 2 avril, mais en fait, non, c'est... C'est vrai, apparemment, monsieur a eu, il y a 40 ans, quand il était plus jeune, des révélations privées. Hein, donc, Jésus-Christ qui lui a dit qu'il allait devenir roi. D'accord. S'il faisait la même prière tous les 29 mars. D'ailleurs, la date du 29 mars est bien choisie, puisque c'est la date qui lui a été demandée. Très bien, merci Bella pour ces précisions. Donc, maintenant, vous aurez des outils pour comprendre la musique de pause que je trouve très drôle, qui n'est pas de moi. Je la mets tout de suite. On reparle de ce sujet très important dans 2-3 minutes. A tout de suite. Oye, oye, mes frères en dérision. Henri V de la Croix, roi de la terre plate. Sacré par six, dont sa daronne, la honte est solennelle. Un trône en plastoc, un rite sous Xanax. Ta l'onction TikTok et les Tall Wish. Baliverne pseudo-monarchique, déposé sur l'autel de la sottise. Place au fou du non-roi. Pose un front liminaire sur la farce doctrinale. Ton sacre c'est du cosplay, ton sceptre un palais sale. Arsenal conceptuel d'un druide sous LSD. T'as scellé ton royaume entre Cassandre et les aliens dégénérés. Sentence d'autorité, ça sort d'un live platiste. Ton schéma directeur c'est des gifs complotistes. Scellement tactique, une playlist de néo-salva. Des hymnes auto-tunés pour déveiller sous ayahuasca. C'est diablerie, c'est pitrerie. On veut du trône, on veut du lys. Mais pas des clowns en camisole. On veut la foi, pas le pastiche. Du sacre en mode 8 bits console. Henri, ta gueule. Les fous du non-roi, ouais, c'est royalement la dèche. Couronné par les likes, sacré par les wesh. Les fous du non-roi, qui pop sous les étoiles. Peut-être celle de David ou de Vénus en sandales. Oh non, oh non, non, non, non. Henri rend l'étole, rend la couronne. Faux diac, faux du qu'on te pète le huc. Roi mystique, fit glossy dans une soucoupe en tôle. Tu grattes la sainte ampoule comme un ticket d'école. Triple donation, tu lis mal les vieux grimoires. Ton sacerdoce, c'est surtout un replay de bazar. Ta politique sont des filtres insta. Un édit gallican signé Anina Kidata. T'as confondu la messe avec un punk opéra. La monarchie avec Fort Boyard dans un bunker folk. C'est diablerie, c'est pitrerie. Henri V, ta gueule. Loin par la lune, béni par des schémas astrales. Ils disent Henri, c'est notre grand monarque. Je réponds grand mytho, ouais. Terre non plate, mais ta couronne est creuse, monarque. En mousse, république d'éclat. On veut du feu, on veut du sang, mais pas l'encens des pantins. On veut la croix, pas l'incarne blanc. Des visions sous chambre de sapin. Les fous du non-roi, sacrés dans la nuit, par-ci s'illuminer, et leur roi en survêt gris. Les fous du non-roi, couronnés de platitudes. Gloire à toi, Henri comique de latitude. Oh non, non, non, non. Le lys pleure et Jeanne se planque au Panthéon. D'abîme. Ton règne est un schisme entre TikTok et l'infime. T'as réduit Bossu à un mème qui scintille. T'as torché la cité Dieu sur un PowerPoint débile. Tu crois que le royaume vient par pop-up et partage, mais le glaive est parole et non babillage. Tes prophètes sont des PLNJ, tes psaumes sont des tweets, et ta liturgie un remix de son interdit. Trop singe et l'éternel, tu l'as rendu risible. Ta travestie, le sacré en parade indicible. L'ordre chrétien, pas une blague de en ligne propre, mais une croix, pas un trône en polystyrène qu'on dort. C'est diablerie, c'est pitrerie, Henri V, ta gueule! Silence, car ici meurt une idée qu'on souilla. Non par les épées, mais les déguisements creux-creux. Henri, tu n'es pas Louis, tu l'esquisse d'un vœu. Défiguré dans la brume, où l'encens sent la colle. Voici ton trône, une chaise Ikea. Voici ton sceptre, un tube LED. Voici ton sacre, un sketch de trop. Dans l'émission des désaxés, et les anges pleurent. Non, pas pour toi. Dans ce carnaval doctrinal, ils n'ont point vu d'héritier, mais un pantin. Un pantin en cap fluo, requiem aeternam, pour vous du nombreuil, et que le lys véritable vous ignore pour toujours. Henri V de la Terre plate. Donc nous voici de retour pour la deuxième partie d'Oremus. On va parler bien sûr de ce sujet lunaire, dingue, qui nous vient des royalistes, certains royalistes qui ont décidé, comme nous l'a rappelé Belloc, de sacrer un nouveau roi de France, le roi Henri V de la Croix. Donc je crois que dans la cérémonie, ils étaient quatre, dont la mère du roi. Et le caméraman, Belloc, ne trollait pas, hein, donc c'est bien un ami, très bon ami de Cassandre, hein, qui est aussi fou, hein, on peut dire qu'il est fou et platiste, et ça va souvent ensemble, je trouve, hein, qui est très très, enfin tous ces gens sont très bizarres. Qu'est-ce qui s'est, les gars, je sais même pas par où commencer. Qu'est-ce qui s'est passé là, les royalistes, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? J'ai le pan épisode. Les lois fondamentales du royaume ont pris très cher là. Mais c'est qui, en plus c'est qui ce type? Enfin, personne le connaît. C'est un total inconnu. Hein. Godefroy Lardy. Louis VI le Grand, mais tout le monde s'en fout. Ouais, André de je ne sais plus quoi, de Bèze, de Biaise. De Biaise, je crois, de Biaise. De Biaise, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Oui. Le fameux Henri V, donc bon, bah, belle farce de cabaret, couronne de platitude, tant de solennité pour si peu. C'est vrai que le petit clip, là, de, je sais pas, 25 minutes, quelque chose comme ça, est proprement lunaire, hallucinant. Bon, vous l'avez mentionné, il y a le platisme de Neo Salva, donc voilà, il est littéralement couronné roi de la Terre plate. Thank you. lui délivre aussi une prière à réciter tous les 29 mars. Par ton sang, par ta foi, tu serviras la croix. Et y a beaucoup à dire et c'est très confus, ça va être compliqué. Belloc l'a dit, les lois fondamentales du royaume, bon, il y a un petit peu de délire gallican là-dedans, mais surtout mysticiste. Et ouais, je sais pas, est-ce que je sors la mitraillette? Bon, allez, voilà, vas-y, allez. Allez, MG40, la, allez. Voilà, la maman d'André a apporté les collants qu'il sciait à sa personne, de notre voilà, successeur de Louis XIV. Donc il y a une intronisation vraiment très étrange. Alors, dans le titre, on fait un roi. Quand ce fameux Henri V, avec toutes les guillemets nécessaires, même deux, c'est insuffisant, quand il parle, c'est assez politique aussi. Et donc dans le titre et dans son discours à lui. Mais alors, bizarrement, il est introduit à l'autel de Dieu qui réjouit notre jeunesse, mais voilà, enfin, les anges pleurent pour nous, pas pour lui, quoi. Ils disent, c'est pour faire un diacre, etc. Et en effet, la célébration ressemble à quelque chose d'assez religieux. Alors, c'est vraiment très bizarre. Il y a un genre de confusion où on ne sait plus si c'est un diacre ou un roi, ou alors il faut que le roi soit diacre. Il y a une caricature de Saint-Louis version RSA, Ecopus, voilà. Le gars guérit littéralement, hein, le roi vous a touché, c'est, je sais pas, lui aussi doit guérir le cancer. Donc là, on est face à une escroquerie. Et mytho. En fait, le sommet de la forfanterie est atteint. Quoi, c'est, bah, Laurent Blasi est platiste aussi, hein. Je ne sais pas s'il y a un lien. Oui, c'est voilà. On a mentionné un garage, ça aurait pu être dans la soucoupe, ça aurait été un petit peu plus technique. C'est dommage, il aurait pu apporter un renfort et une personne de plus, quoi. Quand ils t'ont enlevé dans leur vaisseau spatial, ils t'ont fait, tu sais, des trucs sexuels, et tu t'en souviens? Ils auraient été 5 au lieu de 4. Voilà, c'est ça, ouais, sacré dans le garage, par voilà, même les registres l'oublient. Bon, pas les caméras avec enregistrement. Bon, ils auraient pu faire un peu un effort quand même de mettre un petit peu de qualité. Hein, J'ai pour la musique. Hein. Voilà, la petite musique pop royaliste générée par IA, probablement. Là, au lieu de Paris, elle dit Paris à un moment donné. Enfin, je sais pas. C'est bien les royalistes, ils aiment bien, tu vois. Par exemple, ils écrivent pas le roi R-O-I. Non, R-O-Y, s'il vous plaît, messieurs. C'est, ils y tiennent. Ah, c'est la tradition. Hein. C'est en même temps, attention, hein. Ça rigole pas, là. Il y a... Non, je veux dire, si tu le fais pas, siècles, c'est grave, hein. Quoi. T'as une liberté. C'est comme le mot clé, tu vois. T'as clé C-L-E accent aigu ou C-L-E-F. Si tu n'écris pas C-L-E-F, c'est grave. T'es pas un vrai royaliste. T'as pas le badge, la carte de membre. Tu dois absolument utiliser la plus ancienne version. C'est ça le royalisme. C'est ta deux versions. Tout ce qui pue la poussière, c'est bon. C'est du caca. J'aime tout, bien le caca. Tout ce qui sent le fossile, c'est bon, quoi. Ce qui sent le sapin. Après, ce qui est éprouvé par les siècles, bon, dans la tradition, il y a quelque chose de charmant. Mais alors là, on a l'impression que les siècles d'histoire leur écrasent la gueule, quoi. Ça empêche de réfléchir. Et j'ai même écouté le sermon à part, etc. Ouais, t'étais motivé, quoi. Toi, moi j'ai pas eu le courage. Ouais, assez déterminé, ouais, c'est vrai. Donc bon, je continue un petit peu avec la mitraille. Donc c'est Monseigneur Roux essentiellement, je vais pas parler de guillemets à chaque fois, hein, vous les mettez. C'est énorme, on en avait un petit peu parlé de celui-ci, c'est un sacré zigoto. Il est littéralement Soralo Lefévriste Tuciste. Tuciste, Monseigneur Tuquin. Alors, je pense que c'est un mythomane. Hein. Il dit qu'il a été sacré par Tuc. Et donc, certains, ça les a amusés. Ils ont voulu faire tout de suite un parallèle avec les cédévacantistes, etc. Il s'avère que Roux se défend totalement de ce genre de discours. Et j'ai même écouté ce serment en plastoc où il fait l'éloge de Benoît XVI. Encore un autre mytho. Il dit qu'il l'a croisé physiquement et que Benoît XVI lui aurait mis une claque, etc. Il se met complètement en avant. Mais pour se glorifier derrière, enfin, c'est complètement du n'importe quoi. Et quand je dis Soralien, en fait, c'est qu'il surfe sur ces vagues qui sont assez fonctionnelles, qui marchent. Le discours lefévriste est quand même une certaine place, le discours soralien aussi. Alors du coup, il veut dire « je fais partie de l'église dissidente ». Il n'y a aucun registre, on ne sait pas qui l'a sacré de quoi. Et là, il est en train de faire un nouveau diacre en la personne de Henri de machin. Donc voilà, on est face à ce type d'escroquerie, je veux dire, à quatre... C'est complètement lunaire et plus confus que le marquis de la Franquerie, limite, fallait le faire. Mais à la limite, dans son délire, la Franquerie, les francs hébreux, etc., les francs de lignée davidique, il a à la limite une certaine logique dans son délire. Là, il y a vraiment un mélange total de religion et politique, on ne sait plus, on s'exprime sur quoi. Donc le Roux tient un discours complètement religieux, il fait même mon royaume n'est pas de ce monde, etc. Alors qu'il est en train de sacrer un roi, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, quoi. Et ça n'a pas de logique, quoi. Ça n'a pas de logique. Et, l'autre tient un discours politique. Lui, il est 100% dans le religieux. Il dit qu'il fait un diacre. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lunaire. Alors bon, ça fait après une dizaine, quinzaine de milliers de vues, finalement. Un peu moins que le Neo Salva à Legend, je crois que sur la Lune Creuse et la Terre Plate, là, il nous a fait des résultats beaucoup plus puissants, il me semble. Oui, d'ailleurs, il est très content des résultats. Il n'a pas compris que les gens écoutaient la vidéo pour se moquer de lui, en fait. Lui, il pense que c'est parce qu'il est génial, tout ce qu'il dit, c'est profond. En plus, c'est un mauvais platiste. Oui, ok. C'est-à-dire qu'il n'a même pas utilisé des références entre guillemets scientifiques pour justifier le platisme comme font les autres platistes, en fait. Non, lui il a préparé son émission, la moitié de cette intervention il parlait de films, des Simpsons. Vous avez vu dans les Simpsons, il y a une terre plate qui est comme ça dans une statue, si tu la retournes tu vois bien que c'est plat, machin. Enfin, waouh, chaud, quoi, chaud. Et la justification rappelée par Belloc, donc ça c'est Monseigneur André Roy de Machin et de Papincourt, là. Donc lui, il a entendu en privé des voix de la Vierge à 42 ans, c'est ça le pitch. Alors ça, on est typique dans les trucs de Roycourt. Alors là, 200%. Oui, c'est révélations privées. Ouais. Alors ça, à toutes les sauces. Hein. Le roi, ma grand-mère, mon chien a reçu des révélations privées, n'importe quoi. Et on en fait des dogmes. Ah, les Royco, ils adorent ça, hein, les révélations privées. Surtout les prophéties, tu vois, de Francisou, à moitié classées comme hérétiques par l'Église, mais pas totalement, donc ils peuvent se permettre de dire « Oui, mais moi, j'y crois, ça a été prouvé parce que, tu vois, dans un rêve, Jésus m'a parlé, tu vois. » Donc ça veut bien dire que... Bah, ça ne peut pas être faux, Bobby. Et en plus, il a fait ce nouveau dit roi. Il a fait une proclamation de 2 minutes, là. Je l'ai vu aujourd'hui. Et déjà, tu commences la vidéo, t'as des sons de trompette. En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin roi d'Angleterre et duc de Normandie. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. C'est lunaire. Et tu sais, t'as un symbole chargement et tout. Loading. Ah ouais, c'est Super Mario, en fait. C'est ça. Et le gars, il te dit que oui, il va reformer les institutions, machin. Mais s'y croit, le gars. Hein. Mais on précise que ces gens sont sérieux. Hein. Nous, on se fout de leur gueule parce qu'ils ont quand même mérité un petit peu, quand même, normal. Mais ces gens sont hyper sérieux. Le mec, il pense vraiment être le roi de France et tout. Hein. D'ailleurs, en plus, Neo Salva a fait une vidéo. Il s'est fendu d'une vidéo ensuite pour dire le sacre est-il valide ou non. Il y en a qui pensent pour, il y en a non. Voilà, enfin, ils sont dans un. Je dis, mais ils blaguent ou non? Bah non. Ils blaguent pas. Tous les commentaires, les gens, ils sont contents. Hein. Mais oui, c'est ça que je voulais venir. C'est qu'en fait, bon, ils étaient 4 pour la cérémonie dont la mère de l'intéressé. En fait, je crois qu'ils étaient 5 ou 6. Excusez-moi, peut-être que j'ai fait un petit raccourci. Mais les Royco, là, il y a une partie qu'on a entendue pour dire « Ouais, quand même, les gars, vous abusez et tout. » Il y a surtout une grosse partie qu'on a bien lue dans les commentaires un peu partout pour dire « Ah ouais, génial, c'est mieux que Louis XX de Bourbon. » Et puis l'autre, après, il arrive « Ouais, mais Louis XX de Bourbon, quand même, machin. » Et en fait, c'est des mecs, ils n'étaient pas hostiles. Hein. Les Royco, et donc là, très très mauvaise pub pour eux, faut assumer maintenant, vous n'étiez pas hostile à ce projet, vous ne l'avez pas prévu, effectivement. Mais une fois que ça vous est tombé dessus, vous êtes en train de dire finalement, pourquoi pas, parce que ça va sauver la France. N'importe quel type peut dire « J'arrive demain, j'ai reçu en rêve des messages surnaturels. » Vous prenez, voilà, c'est ça votre doctrine. Et donc maintenant, dans notre Tradistan, ne pas oublier que la doctrine majeure, on va dire anti-système, c'est ça, c'est les royalistes. C'est des gens comme ça, à la sauce Pierre Hilard, hein, qui vont nous donner des leçons de politique à nous. Attendez. Ils sont complètement dans l'émotion. Hein. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit « Oui, selon Marie-Julie Gianni, tu sais, c'est encore une prophétesse, pseudo-prophétesse, qui disait que le roi devait être sacré à Reims. » Et il y a quelqu'un qui dit « Oui, il doit être sacré à Reims et tout. » Et Thanos Salva qui lui dit « Oh, c'est prévu. » Ah ouais, il y aura la numéro 2. Génial. Non, mais c'est fabuleux. C'est... Oui, il y aura numéro 2, bien sûr. Il y aura... Ça sera peut-être... Bah, il faut la reine. Parce qu'il a l'air, je pense qu'André est puceau. Moi, je crois que j'ai une idée. Cassandre. Il faut que des militantes se sacrifient pour le roi, donc on en a une à désigner sous la main. De France et de Kabylie, Cassandre, reine. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Bah, affaire à suivre, du coup, c'est assez sympathique parce que, bon, depuis. Les inconnus, il n'y a plus trop de vidéos assez drôles et caricaturales sur les sectateurs, les sectes et tout ça. Donc là, c'est un bêtisier dominical constant, affaire à suivre. On va pouvoir se marrer continuellement là devant les enchanteurs. Donc voilà, le roi Merlin l'enchanteur et sa daronne Cendrillon, ils nous ont emmenés bien sur la lune. Belloc a cité Marie-Julie Jehani qui a été citée dans la section commentaires. Et en effet, le père Crowley, Matteo Crowley, dénonçait ce qu'il appelait la maladie prophétique, toujours au XIXe siècle, si bien qu'en fait, il y avait des gens très pieux, sans doute, mais on disait à l'époque que nombre de maisons d'édition, pour se faire de l'argent, éditaient ces bêtises-là, parce que le peuple adorait. C'est du sensationnel qu'on vendait. Si bien qu'on dit chaque église de village avait sa prophétesse. Donc Marie-Julie Jehani fait partie de ces choses-là et de cette dynamique-là, en fait. C'est des éditions qui ne reçoivent pas l'imprimature, loin s'en faut, et en plus, une maladie qui se répand chez des gens peut-être plus ou moins pieux, sans doute, mais qui, voilà, ça leur monte à la tête, et puis voilà, les femmes et leurs émotions, des fois, ça peut aller très très loin. Donc voilà, là, quand je vois Henri V, je vous le dis, tout de gauche, je suis républicain, on le décapite. Robespierre, vite. Voilà, voilà, comme dirait Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs, là, quel bon sens ce Robespierre, etc., quand il fait guillotiner les traîtres Royco qui donnent leur château au peuple, etc. Ah, quel bon sens ce Robespierre. Là, c'est, voilà, je suis républicain, vive Jean Jaurès, etc., faut l'exploser. Je suis également antipopuliste, parce que quand on voit la section commentaire, la naïveté confondante, enfin, il y a vraiment des gens qui y croient, quoi. T'as juste envie de les brûler, quoi. Et d'autant plus avec ce qu'apporte Bobby comme élément, quoi, parce que je veux dire, le type, c'est une révélation privée, c'est bon. En fait... Je veux dire, Sylvain Durif à côté est plus sympa, quoi, parce que l'esbrouffe est tellement visible qu'elle est encore plus grosse, on voit que c'est du troll, il a vu le vaisseau de la Vierge, etc. Donc là, c'est gros, mais en pire, et encore de l'innovation, quoi, je veux dire, en termes de doctrine catholique pure, la révélation privée, examinée d'aucun clerc, si ce n'est Roux, qui vaut proche de zéro, et qui en plus s'érige en espèce de dogme et d'empereur politique, en fait, ils ont un côté juif, il y a le Messie est arrivé, là c'est vraiment un roi temporel, voilà, les juifs sont exaucés, il y a un roi temporel annoncé par Dieu, c'est littéralement le grand monarque et tout ça, et désigné ici par le Christ ou je ne sais pas quoi, en fait, le Christ qui désigne, c'est le successeur de Saint-Pierre, ça se passe à Rome, là aussi ils ont fait une petite confusion, ça envoie un peu Palmar de Troya dans l'espace, tant c'est fleuri d'innovation. Par exemple, le ridicule de Palmar de Troya, c'est un peu pareil. Monseigneur Dominguez, il y a des laïcs internationaux, des Allemands, etc., qui ont financé sur place, mais c'est un délire assez hispanique. Dominguez, il dit l'apôtre Paul et Pierre sont apparus et m'ont désigné. Connard, dans le droit canon de l'Église et la tradition de l'Église, il y a le conclave, les cardinaux, s'il n'y en a pas. C'était les évêques, parce que les cardinaux, ça existe depuis le 12e ou 13e siècle, je ne sais pas, c'est une création assez tardive, elle n'est pas nécessaire au gouvernement de l'Église, même si elle est privilégiée depuis des siècles. Et c'est le Christ qu'il désigne à travers eux, en fait, c'est un choix. Mais je veux dire, ça ne marche pas pour le roi, ou à la limite, oui, qu'il y ait des onctions, des choses comme ça, si l'on veut, mais ça n'est pas du tout un nouveau sacrement, un sacrement supplémentaire. La liste s'arrête là. Et en effet, comme disait Bobby, clé... on l'écrit avec un F ou E, elle ouvre la porte. Hein, je veux dire, on peut changer un peu la calligraphie ou l'orthographe. Quand même, ce qu'elle fait, c'est toujours là. Quoi. Et si on parle de clé USB, vaut mieux ne pas mettre de F non plus. Quoi. On est passé au 21e siècle, il ne faut pas abuser. Quoi. Donc voilà, qu'on décapite un petit peu, non seulement ces faux rois, mais en plus ce peuple à moitié flingué quoi, qui croit. Quoi. Ça me fait penser cette histoire à Clément XV, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un antipape, le pape de Clémery, on appelle, Clémery c'est le nom de la ville en Lorraine, donc le mec il s'était autoproclamé pape, tranquille, tu vois. Et en fait il faisait des petites combines avec le... En gros il ne déclarait pas des revenus, etc., donc il faisait des petites combines avec le fisc, Et l'inspecteur des impôts était venu, il avait posé des petits problèmes et tout. Donc c'est des gens, ils sont tous louches, mais ils ont quand même une petite communauté et tout. Et d'ailleurs, je précise, c'est des Roico full surnaturalistes, excusez-moi pour le pléonasme, qui sont politiquement rattachés à ces gens-là en plus. Hein. Donc voilà, ça c'est la petite. Ça étonnera personne. Hein. Et donc, Clément XV, le pape, donc, autoproclamé pape, s'était rendu à, je ne sais plus si c'était à Nancy ou à Metz, peu importe, devant la préfecture, où il a publiquement excommunié l'inspecteur des impôts. C'est merveilleux. C'est l'asile à ciel ouvert. Il est mal, il en a marre et tout. Il a excommunié. Vous êtes originaire de l'Himalaya, je crois. C'est-à-dire que je suis d'origine tibétaine. J'ai été élevé par le grand Dalai Lama, et après quoi je me suis dit, putain, il faut que j'aille dispenser la pensée Richenou à travers le monde, quoi, voilà. Ces gens ne se prennent pas pour de la merde, hein, quand même, parce que c'est pas faux. Vous savez, moi, quand je me suis intéressé aux conneries du marquis de la Franquerie, je savais déjà que c'était des conneries avant. Je ne savais pas à quel point c'était con. Et en fait, j'ai appris, il y a à peu près un an, un article qu'on mettra d'ailleurs sur Intégralisme organique, qu'on mettra en description de la vidéo, des citations comme ça du marquis de la Franquerie. Donc là, on est typiquement, je sais pas, Pierre Hillard avant ou Abosi, ils sont typiquement dans ce qu'on disait avant, hein, la mission divine de la France, le roi de France doit être de la lignée de David et tout, la France est surnaturelle, au mieux que tous les autres, le reste des pays c'est de la merde, et puis la France, nous, c'est le top du top, et puis tu vas te sauver seulement si t'es français depuis 400 générations, voilà, donc on est en plein dedans. Et les sources du marquis de la Franquerie, il y a des trucs comme ça. Alors, on m'a dit en songe, une nonne m'a dit que, et puis après, t'as la doctrine derrière. Comment ça? C'est ça la source du truc? Et les Roico, là, ils sont à fond là-dedans. Hein, donc, ils sont en train de nous dire, ouais, mais vous, c'est pas quand même le fascisme et tout, c'est un peu délirant ce que vous dites. Attendez, les gars, vous, votre doctrine, c'est on m'a dit que, une nonne m'a dit que, mon voisin m'a dit que, et ça va revenir comme ça parce qu'en fait, le type, si jamais tu fais l'arbre généalogique, finalement, tu vas tomber précisément sur le roi David. C'est ça votre truc. Et après, vous venez de donner des leçons de politique. Donc déjà, religieusement, il y a des trucs à revoir. Politiquement parlant, par contre, zéro pointé. Vous n'avez aucune leçon à donner à personne. Hein. Franchement, délirant. Ça explique deux siècles de défaites politiques. Hein. Mais c'est à se demander si le royaliste n'est pas une forme d'idolâtrie quelque part, en fait. Hein. On dirait que pour point de salut, hors du royalisme, parfois. Bon, il y en a des plus ou moins lucides, hein, évidemment, parmi eux. Mais politiquement, je veux dire... Bah, ils attendent, hein, politiquement, Belloc. Ils attendent. C'est ça, leur truc. Le roi va venir, parce que, machin, Marquis de la Franquerie, c'est écrit page 37, mon cul. Faut attendre. Qu'est-ce qu'il faut faire politiquement? Donc, doctrine Pierre Hillard, complètement. Il faut prier. Merci, Pierre Hillard. On n'était pas au courant qu'il fallait prier en tant que catholique. Tu parles d'une nouvelle. Ça, c'est... Waouh, quel scoop. Et politiquement, on fait quoi? Bah, faut prier et faut attendre. Super. Merci, Pierre. En plus, bon, si je peux me permettre une petite correction royaliste, Henri V, techniquement, c'était le comte de Chambord. Donc, il ne peut pas s'appeler Henri V, monsieur de Bias. Bah, quitte à être usurpateur, autant le faire jusqu'au bout, hein, je veux dire. C'est vrai que là, on est dans le providentialisme le plus lunaire, parce que du coup, c'est ni légitimiste ni orléaniste. On a fait une nouvelle branche magique. Et d'ailleurs, bah, vous parlez du marquis de la Franquerie. En fait, Henri V, dans d'autres vidéos, le cite abondamment. Et ce gros mytho, un petit peu comme Monseigneur Roux avec Tuc, il dit « c'est le marquis qui m'a annoncé ». Il me l'a dit physiquement et je vous le transmets et c'est comme ça. Ah tiens. Ça fait, c'est quoi, ça fait 50 ans que t'attends, t'avais 10 ans et te l'a dit, et maintenant tu sors du buisson. Enfin, c'est étrange quand même, ces histoires-là, ce mythomane à peine, enfin, archivisible, quoi. Et alors, bon, il y a Clément XV, c'est vrai que c'est très drôle. Moi, j'aime bien aussi le pape Léon XIV, je ne sais pas si vous le connaissez, il est encore en vie, hein, normalement. Donc, c'est le pape de Facebook, littéralement. Il fait des encycliques. Bon, il est actif sur YouTube aussi, hein. Voilà, YouTube, Facebook essentiellement. Bon, ces encycliques, je les ai personnellement pas lues et je préfère m'en tenir à l'écart. Elles doivent pas être pires que Bergoglio François, dans l'absolu. S'il y a des chances, on peut lui laisser sa chance là-dessus. Mais alors, un folding qui prétend faire des... Voilà, le Saint-Siège de Facebook et de YouTube, enseigné du haut de sa chair, de son trône Ikea, où il excommunie d'ailleurs gentiment les gens en anglais qui... je veux dire, on a parlé un peu de Pierre Joly tout à l'heure, il avait échangé vaguement avec lui, en doutant gentiment, en disant « mais Donnez-moi un peu des éléments pour croire que c'est bien vous, etc. Se fait excommunier dans la seconde. Donc en fait, faut pas trop attendre les arguments rationnels. Ça pleut tout de suite. Un peu comme les Pierre II. Aucun pape n'a osé. Jusque-là, on s'est dit, je reprends pas le nom du premier pape. Quoi. Personne n'a osé. Mais alors au XXe siècle, XXIe siècle, fleurissent les Pierre II. Il y en a en Belgique, en France. Je crois qu'en France, il est mort, mais... Voilà, on en a eu, on en a, c'est faramineux. Je sais pas, ce monde post-boomer se croit pour le centre du monde, et le centre de la Terre plate, là, en l'occurrence, mais c'est merveilleux, quoi. Hallucinant, en fait, c'est un cas pathologique. La première fois qu'on avait parlé de Pierre Hilar, on avait dit quand même ce qu'on pensait politiquement de ses propositions du néant, vu que la personne en question propose rien. C'est quand même, ça suscite un peu de critique. Et les gens, on avait dit « Non, non, Pierre Hilar, non, touche pas !» Pierre Hilar était devenu infaillible, voilà. C'était comme ça, le pape Pierre Hilar. Pierre II, la vache sacrée. Pierre II, on l'avait. Pierre II, Hilar. On ne pouvait rien dire. Et d'ailleurs, on a vu dans les commentaires « Non, on ne dit rien sur Pierre Hilar. » Il y a pas, apparemment, c'est l'homme parfait. Tu n'as pas dit que la France était le nouvel Israël ou je ne sais pas quoi, si. Dès que tu pars du principe que le roi de France doit venir du roi David en ligne directe, après, tout est possible, hein. Bah, y a un ancien article où il cochait absolument toutes ces cases, Marquis de la Franquerie, je me souviens, et je pense qu'il réitère plus ou moins, en tout cas, j'écoute très peu, mais il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être un an et demi, il avait même dit « Vous ne trouvez pas ça étonnant que je suis le seul à parler de France, qu'il est né de l'Église, etc. » Genre, il est seul contre vents et marées. Et à la limite, s'il avait une doctrine nationaliste assez politique, un peu comme Yvan Benedetti ou quelque chose comme ça, je pense que ça lui donnerait une colonne vertébrale. Là, il y a juste ça et du Marquis de la Franquerie. En prétendant d'ailleurs être le seul, je ne suis pas d'accord. Nombre de surnaturalistes et de Royko sont de cette tendance. C'est peut-être pas des grands auteurs ou des gens qui font beaucoup d'interventions comme lui, mais il y avait quand même les éditions Saint-Rémy qui sont plutôt de cette tendance. Bruno Saglio est quelqu'un d'assez raisonné en soi, mais il a quand même franchement cette tendance-là, et feu Louis-Hubert Rémy également, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, mais il était à fond dans ces théories-là, quoi. Donc il n'est pas seul à tenir ce discours, c'est pas le nouveau virtuose du Logos version Cato Tradiland. Personne ne l'a attendu pour avoir les fous du non-roi tels qu'on les a aujourd'hui. Et cette doctrine justement du royalisme, c'est un peu dans le terme, parce que le isme, ça implique un peu l'ensemble d'idées, la doctrine, etc. Donc c'est un peu la doctrine du roi, en fait. Et on centre tout là-dessus, d'où le gallicanisme, le délire franco-centré, etc. Et notamment le roi avant le pape aussi, ça c'est intéressant. Typiquement, le gallicanisme ne les dérange pas. Et nous, en catholique, un chef d'État, on le souhaite. Un pape, quand même, surtout pour guider les âmes, les orienter, c'est quand même légèrement plus important pour employer un gros euphémisme. Et là, ouais, bon, on a assisté à 25 minutes de chorégraphie ésotérique, parce que ça ressemble à ça au final, quoi. Il ressemble un peu comme les antisémites qui sont contre les juifs tout contre, quoi. Il leur ressemble beaucoup. On déteste les mêmes personnes, on déteste Charlemagne parce qu'il a génocidé des Saxons païens. Donc on va nourrir des thèses complotistes, soit récentistes, Charlemagne n'a pas existé, genre comble du comble, ou alors encore mieux, l'empereur chrétien était en réalité un rabbin talmudique, etc. Donc voilà, ne riez pas, braves gens, mais notre milieu est vraiment en roue libre là-dessus. C'est vrai que ça ne troll pas encore, hein. C'est très sérieux, des gens pensent vraiment ça. Charlemagne, le rabbin, etc. Quoi. Non, c'est très sérieux. Ouais, il y a au sein de Égalité et Réconciliation, il y en a certains, donc Laurent Guyonneau est d'un genre récentiste, même en dehors avec Pierre Dortiguet, qui est assez âgé et proche de... Je ne sais pas s'il n'est pas du midi celui-là, parce qu'il est avec le libre penseur Salim Laibi, etc. Et ouais, donc toutes ces tendances sont tout à fait retraçables, je veux dire, et c'est sur ça qu'il faut attaquer, et pas sur des diplômes qui n'existent pas, des choses dont on n'a rien à cirer, c'est vraiment le fond des idées, l'amphigourie, le mélange total, le nationalisme marxiste de Soral. Quand on est nationaliste, on veut l'unité nationale. On ne veut pas de lutte des classes. C'est rejeté. Il y a peut-être un petit peu de populisme chez les nationalistes. On aime bien mettre en avant le peuple, et encore, faut que ça vienne après le chef et son élite, quand même, hein, jusqu'à preuve du contraire. Mais voilà, toutes ces contradictions sont vraiment à pointer du doigt. C'est le truc qui... C'est un peu le château de cartes à balayer, je sais pas. Voilà, la doctrine avant, quoi. Et puis la réconciliation avec les Maghrébins, etc. Bon, on veut pas d'assimilation. C'est ça qui est genre le sujet qu'il faut attaquer. c'est pas à savoir si Soral il a une meuf ou il en a deux ou si il aime bien faire des pirouettes avec elle. S'en fout. Même à l'Action française, ils sont assimilationnistes, hein, finalement. Ils ont plus. Enfin, ils sont assez similaires aux Républicains sur ce point-là. Bah, y avait ce militant Mamadou Ier qui avait collé ce post-it, vous savez, remigration sur un poteau. Je ne sais plus c'était dans quelle ville, mais ça venait d'Action française. Donc, ils avaient aussi leur roi, leur cardinal Sarah local à eux, version Wish aussi, mais bon. Tu as parlé de cérémonie ésotérique, Rex, j'ai noté ce terme. Je dirais plutôt cérémonie satanique, parce qu'il y a quand même un élément qui, personnellement, je trouvais... Voilà, il y a un côté comique dans ces vidéos, hein, on ne pourra pas le nier. Hein. Je pense qu'on mettra le lien, vous pourrez vous faire une idée vous-même. Il y a un côté, par contre, qui n'est pas du tout comique, c'est que, par exemple, ces gens jurent pour des bêtises. Ils jurent des trucs faux. Alors, pour des catholiques, machin, tout ce qu'on veut, ça fait quand même mauvais genre. Hein. Moi, au roi de machin... Je jure de protéger la France toujours, d'assumer mes fonctions de roi. Donc en fait, le mec, il jure 50 mensonges à la suite. Et il jure devant Dieu. Il jure devant Dieu, bien sûr, machin. Donc là, par contre, vous savez, juré, hein, le serment, les faux serments, je crois, on pourra dire dans les commentaires si je me plante, je pense pas me planter en disant que le faux serment, c'est limite pire que l'homicide, hein. Donc là, par contre, c'est pas drôle du tout. Le parjure, pendant très longtemps, était puni de mort. Alors, pour des catholiques, franchement, ça l'a fait moyen. Donc, c'est des pitreries, effectivement. Mais derrière, il y a un truc sérieux où le mec, il faut qu'il s'inquiète quand même sérieusement des fins dernières. Non, mais tu comprends pas, Bobby, c'est le respect de la parole donnée, exactement comme chez les gaullistes. Faudrait citer Pierre-Yves Rougeron, là. C'est, mes hommes ont déserté, Bobby, je dois les commander. Parce que moi, j'ai jamais demandé à créer quoi que ce soit. Hein. Les structures que j'ai créées devaient être dirigées par d'autres. Des hommes ont abandonné mes hommes. Et donc, je les ai commandés. Point barre. Donc, et c'est par la confiance que les miens me portent que je suis encore là. C'est aussi simple que ça. Vous savez, chez nous, les gaullistes, la parole donnée, c'est quelque chose. Point barre. La parole donnée à mes anciens et la parole donnée à mes enfants. Ah, oh, le velon, quoi. Attends que je me lève de mon canapé, je te mets un coup de boule. Ouais, il monte en l'air Robert Brasilla qui le déterre et il le retue une deuxième fois de ses propres mains, sick, etc. Ouais, bon, pour tous ces gens, le fascisme, c'est le mal, bien sûr. Faut surtout pas en parler, mais par contre, des trucs fossilisés d'il y a plusieurs siècles, pas de problème. On doit attendre. Et des choses qui pourraient marcher, non. Non, non. Ça pue la merde. C'est bon, j'aime bien. Mais quelque part, c'est vrai que vous notiez... C'est un truc de vieux, de boomer et tout. Et finalement, c'est peut-être la jeunesse qui est incarnée dans ces mouvements nationalistes des années 30 qui les fait un peu crisser, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas trop ce genre de vitalisme. Et ils aiment bien être dans leur charentaise, avec leur cigare, attendre que le roi y vienne, quoi. Et encore, le cigare, c'est assez viril, mais... Ils sont plus portés sur la pipe. C'est le père Mathieu qui est leur aumônier, non c'est... Alors pour l'instant, c'est Monseigneur Roux, et je sais pas, il y a un ou deux co-consécrateurs, on sait pas trop qui ils sont, ceux-là aussi, faudrait faire un peu l'analyse des zigotos. Il y a un type qui passait dans la rue, ah, tiens, viens ici toi, prends la couronne en plastoc là, d'accord, c'est marqué Made in Taiwan dessus, tu la fous sur la tête du vieux, et puis on te filme, on te file 100 balles, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous n'avez pas peur des charlatans? Ça arrive. Bien sûr, ça existe. On se souvient tous de cette publicité pour cette bague soi-disant miraculeuse. Non, celle de Skippy est la seule modératrice de bonheur. Oui. Cette bague est une vraie bague des méditations, d'ailleurs. Est écrite en langue rishno, méditation. Meditaiwan. Oui. Meditaiwan. Meditaiwan. Et puis, bah, vous l'avez déjà dit, mais il faut quand même remettre le doigt dessus, c'est énorme. Littéralement, le brave Henri V, on ne l'a pas attendu, mais il parle au nom du gouvernement, de l'État, des Français. Il mentionne les trois, quoi, machin. C'est presque du De Gaulle avec une couronne en plastoc, en effet. Mais en fait, quelle autorité a-t-il? Je veux dire, c'est... il a une couronne, Rex. C'est marqué Made in China, mais il a une couronne. Oh. Oui, c'est le symbolique, quoi. Ça serait c'est le mec ultra musclé, mais sans aucun courage, quoi. C'est le Il y a l'apparence et en fait, il n'y a rien derrière. Quoi. C'est, je ne sais pas. La symbolique avant tout et uniquement la symbolique. Mais le fait à noter, c'est que ces gens, en fait, qui sont normalement catholiques, nous font vraiment passer pour des imbéciles. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'aux yeux des gens, de quelqu'un qui ne connaîtrait pas, il dit, mais voilà, c'est Roico, tout ça, c'est... ils nous font passer vraiment pour des billes, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas crédible. Surtout si on est assimilé à ces gens-là en tant que catholique. Ouais, c'est pour ça qu'il faut s'en distinguer. Le moindre gaulois un peu laïcisé ou un maghrébin de base de machin, il tombe sur une vidéo comme ça, mais il va se foutre de la gueule. Et à travers ces guignols, évidemment, bah, ça peut être les Français qui trinquent, les catholiques comme vous dites. Donc à un moment donné, il faut réagir, pas trop laisser ça, parce que ça va pas, quoi. On ne dira pas amen à tout. Voilà. Si ton Roico est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le dans le feu éternel. Avec sa reine aussi ? Avec la reine de Kabylie. Messieurs, je vous avais promis une partie flamboyante. On va finir là-dessus, mais j'ai un scoop à vous annoncer. C'est qu'en fait, Belloc, qui est avec nous depuis l'émission... depuis la première mission quasiment à Belloc, hein, est en fait le nouveau roi de France que nous allons sacrer en ce moment solennel. Belloc, avance-toi parmi nous. Me voici. Es-tu prêt à recevoir ta mission, Belloc ? Belloc, premier archiduc de Facebook et de Telegram, je te sacre, roi de France. Longue vie à mon sire. Longue vie à notre sire. Vie à notre sire. Je défendrai la terre ronde de toutes mes forces. Votre sainteté, permettez-moi de vous apostropher, mais apparemment vous avez reçu une révélation privée vous annonçant donc la venue de votre royaume sur Terre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, quand j'étais enfant, j'étais enlevé par les extraterrestres. Je suis pris par l'émotion. Une projection astrale de l'ombre aussi. Mais alors, votre majesté, quand vous étiez enfant, vous dites, mais alors, pourquoi est-ce que vous avez attendu tout ce temps pour vous annoncer, pour vous révéler à nous ? Mes chaussons étaient très confortables, hein, donc j'ai décidé de les garder, de rester dedans et puis d'attendre d'être prié. Mais je suis trop bien aise ici. Nous sommes sujets de sa majesté. Que faire ? Que faire, votre majesté ? Mon cher Bobby, voyons, attendre. Et faut acheter vos livres aussi sur le mondialisme, etc., les Lubavitch. Oui, il y a le lien PayPal juste en dessous. Le lien est dans la description. Exactement. Et est-ce que vous faites aussi des placements de produits, votre majesté ? Oui, si vous voulez la même couronne que la mienne, je l'ai trouvée sur AliExpress. Merci Taïwan. Ô gloire, ô désespoir, cher Belloc Ier, souffrez que je vous dise que vous avez le monde contre vous, querelle des anciens et querelle des modernes, vous êtes jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, comme le dirait le Cid. Comme tout roi a son chancelier, moi j'ai choisi le mien. Et bon, inutile de vous faire un dessin. Ça va couper, ça va censurer ça, non, là ça rentre dans des trucs concrets, non, il faut des trucs qui puent là, Belloc Ier là, non, c'est trop moderne ça, il faut un truc qui pue la merde. Couper le général. Non, arrête là, on coupe s'il vous plaît, on enlève le général, voilà, merci, on coupe, on peut pas continuer, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, je vous redis que moi je suis consterné par les propos qu'on a entendus, et ce général en tout cas ne prendra plus jamais l'antenne dans cette émission, et je pense sur CNews non plus, et j'espère nulle part ailleurs. Il y a quand même le second degré qui joue pour nous. Là, on n'est pas au premier, heureusement, contrairement à certains. Mais Bobby ne rigole pas. Hein. C'est vrai que quand, dans le Saint-Pape et le Grand Monarque, il sort une petite histoire, le Marquis de la Franquerie, et genre note de bas de page, vous voyez le petit chiffre, vous vous dites, tiens, je vais essayer de découvrir cette excellente source. Et là, il y a écrit une moniale. Point. C'est merveilleux. Source, une moniale. Non mais c'est merveilleux quoi, c'est vraiment genre une folle dingue Marie-Julie Jaini bis que j'ai croisée dans la street, mais littéralement quoi. m'a dit que, voilà, l'autre, il arrive sur son nuage un petit peu comme Son Goku, quoi. Voilà, bah écoutez, après ce sacre monumental, donc nous avons un nouveau roi, Belloc Ier, je pense qu'il est bon de rappeler des choses un peu plus terrestres. Un peu plus prosaïques. De rappeler qu'il faut remercier absolument les personnes qui se sont... qui ont pris un peu de leur temps pour donner de la visibilité à Orémo sur YouTube. On rappelle ce projet qu'on avait énoncé en début d'année, et donc qu'on rappelle aussi encore actuellement. Prenez des extraits d'Orémus, balancez-les sur YouTube, comme ça a été fait. Il y a quelqu'un qui a même mis l'interview complète de la Berryou qu'on a fait le mois dernier, qui l'a mis sur YouTube, et qui a même mis les liens vers notre Odyssée et tout. Super, franchement, c'est libre de droit, faites-en ce que vous voulez. Choisissez les extraits, parce que quand même, si vous mettez tout... je pense que le compte YouTube, il pourrait sauter parce qu'on dit des choses pas très... Hein. Voilà, YouTube n'aime pas trop les discours de vérité. Donc, vous coupez les extraits et vous pouvez même faire des shorts. Hein, ça ne me dérange pas, vous mettez une minute ou deux. Des petits liens, ça nous fait super plaisir. Ça a été fait récemment, c'était refait récemment. Donc, franchement, super les gars, continuez là-dessus. On ne peut pas être à fond sur YouTube parce que juste, voilà, le discours ne passerait pas. Hein. C'est complètement impossible. On n'a pas envie de miser là-dessus. Donc, on est très bien sur Odyssée. Mais quand même, de temps en temps, on peut faire des petites entrées comme ça. Et c'est pour ça qu'en début d'émission, je me suis permis d'annoncer, je rappelle, deux événements importants. Le mois prochain, normalement, nous aurons un invité spécial connu de tous. Et si ça se fait, à chaque fois que j'ai annoncé ça, ça s'est fait, donc je peux l'annoncer quand même. Si ça se fait, ça va faire plaisir, je pense, à beaucoup de monde. Et en plus, date inconnue, mais on va sortir un long métrage sur les Diaconas, avec le petit Stempel Orémus. Date inconnue parce que c'est un gros projet, on ne pourra pas vraiment s'avancer plus que ça tant qu'on n'aura pas vraiment mis les mains dedans à fond. Mais voilà, c'est la récompense qu'on vous donne parce que vous avez été sympa avec nous, donc on est sympa avec vous. Et si vous continuez à nous aider, et bah, on fera pousser ces projets à fond. Donc je vais laisser la parole à Rex pour le mot de fin et puis aussi à notre bon roi. Bah que l'hélice guide vos âmes, hein, si j'ose dire, susso mystico dingo, et voilà, contre les litanies Royco, nous dirons presque vive Napoléon et vive Jean Jaurès. je le répéterai pas, voilà, mais ça se prête au contexte. Votre Majesté. C'est un sujet au mois prochain, et puis surtout attendez. Très bien, monsieur Perilla, monsieur Belloc. Au mois prochain, chers amis, à bientôt. Longue vie à mon sire! Longue vie à notre sire! Longue vie à notre sire! Roi co, roi co! Roi po, po, po, po, po, po, po! Roi co, roi co! Petit roi co, tu fais des sacres, des ridicules, tu t'es ta claque! Si je te croise, je te massacre, je te consacre en sac de frappe! Dès que je te vois, je te kidnappe, je te fous dans le coffre de mon 4x4, tu te pisseras dessus, ça fera des flaques, tu mouilles du cul! T'en fais des lacs. J'espère pour toi que t'es pas cardiaque quand on débarque. On te viole, on te braque comme Pikachu. On vive attaque, on te blitzkrieg à la Bismarck. Il est cinglé, ton grand monarque. Il cause tout seul, il fume du crack. T'entends des voix, t'inventes des diacres. Le seul qui te parle, c'est ton psychiatre. Ton simulacre est démoniaque. Chier des faux rois, ça pue l'arnaque. Le royaliste, c'est un cul-de-sac. Tu fonces dans le mur et patatrac. T'as la dégaine à psychoquac et la même gueule de macaque. J't'enverrai bien sur l'île de Pâques. Plus de royaliste, plus de comeback. Tu pues de la gueule, prends un tic-tac. Ton souffle sans le soufre et l'ammoniaque. À moins que ce soit tout le cognac que tu picoles chaque fois que t'as le trac. Il est cinglé, ton grand monarque. Il cause tout seul, il fume du crack. T'entends des voix, t'inventes des diacres. Le seul qui te parle, c'est ton psychiatre. Ton simulacre est démoniaque. Chez des faux rois, ça pue l'arnaque. Le royaliste, c'est un cul-de-sac. Tu fonces dans le mur et patatrac. Ta team d'autistes, c'est pas des cracks. Ils n'ont pas l'âge d'être à la fac. Ils ont le peps d'un insomniaque. Vos dégaines, c'est n'importe nawak. Dans vos trucs, y'a ma matraque. Elle casse vos gueules de bric à bras. Casse-toi, Royco, tu schlingues le cloaque. Le VIH, ça laisse des marques.